Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Génération Rétro Gaming. Alors cette fois-ci on va parler des consoles 16 bits. On va sélectionner nos 5 jeux préférés qu'on a adoré, aimé ou qui nous ont rappelé des grands bons souvenirs de notre jeunesse. Alors avec moi ce soir, donc j'ai Nico, comment tu vas Nico? Ça va parfaitement, bonjour à tous, ça va nickel. Et puis un nouveau venu avec nous c'est Guide, comment ça va Guide? Eh ben écoute, très très bien, merci pour cette invitation à participer à ce podcast, je suis très content et aussi de vous connaître un petit peu plus, parce que d'habitude, bah, Nico je l'ai déjà entendu en podcast, et toi Gabi, bah, je t'ai entendu sur Facebook entre autres, on a pas mal discuté, et donc merci pour cette invitation. Bah, de rien, hein. De toute façon on cherche toujours des nouveaux participants, parce que pour faire partager notre passion, on a besoin aussi d'autres avis, puis de débattre avec d'autres personnes. Et puis là, c'était l'occasion un peu de nous retrouver pour donc parler des consoles 16 bits. Alors, je sais pas si, comme moi, vous avez eu du mal à trouver des jeux vraiment, en choisir 5. Voilà, c'est ça le problème. Parce que moi, j'aurais pu en choisir 10 ou 15 à un moment donné quand je suis allé voir ma collection. Oui, voilà, ouais. Et, bah, je sais surtout... pas comment vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez, bah, déjà, Guide, ouais, c'est vrai qu'on t'a pas présenté, donc, on va commencer par là. Ah, tu veux que je commence avec mes 5 jeux préférés? C'est ça, tu veux que je lance tout ou tu non, veux que je mais dise qui tu peux à la limite dire comment t'es venu un peu au jeu, etc. La passion, comment t'es venu la passion. Oula, ben c'est simple. Quand je suis né, j'avais des parents gamers. Mes deux parents jouaient aux jeux vidéo depuis très longtemps. Mon père, c'était entre autres la Mega Drive avec Shinobi. Il adorait. Franchement, l'univers de Shinobi, ma mère, c'était plus Nintendo, étrangement, et j'ai pris de ce côté-là, puisque je suis plus Nintendo que Sega à l'époque, donc c'est pour ça que... Bon, je vais pas faire à nouveau la guéguerre, hein, Sonic, Mario, j'ai adoré les deux, je rassure. Voilà, et c'est pour ça que je suis né dans le jeu vidéo, et depuis petit, je joue, et encore aujourd'hui, à 26 ans, je joue au jeu vidéo, et c'est pour ça que... bah aujourd'hui, essayer de faire découvrir l'univers 16 bits, c'est toujours intéressant pour la jeune génération qui ne connaît pas forcément et qui pourrait aujourd'hui se dire mais pourquoi c'était aussi bien avant alors qu'aujourd'hui, quand tu vois les jeux, comment ils ont évolué, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi on irait jouer à des vieux jeux pixelisés ou ce genre de choses? Et pourtant, eh ben, il y a moyen de vraiment s'amuser, quoi. Ouais, donc voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Vas-y. Là-dessus. C'était l'année dernière. J'avais reçu toutes. Enfin, il y avait des personnes de ma belle famille qui étaient venues, et il y avait des gamins de 10 à 8 ans. Et je leur avais. Bon, c'était à mon ancienne maison. J'avais donc toute une vitrine avec mes vieux jeux, mes vieilles consoles et trucs comme ça. Et je leur ai montré en fait tout ce qu'étaient les vieilles consoles, de la Super NES à la NES, les Game Boy et trucs comme ça. Je leur montrais, mais je me disais, ils vont pas du tout s'intéresser, ça va pas les intéresser, parce que voilà, c'est trop vieux pour eux. Mm. Et je les ai vus vraiment émerveillés, en fait, parce que pour la première fois, ils découvraient ce qu'était une disquette, une cartouche de jeu, une ancienne manette avec que 3 boutons dessus, quoi. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou, et j'étais content d'avoir fait découvrir ce genre de mes vieux jeux, quoi, en fait. Mm. Ah, mais j'espère que voilà, grâce à nos podcasts, on va pouvoir donner envie peut-être à certains jeunes de se lancer, pourquoi pas, dans la collection de rétro gaming, ou voire même jouer à des jeux rétro, quoi. Ouais. Mm. Et est-ce qu'ils ont trouvé comment marchait une NES, par exemple, tu vois? J'aurais tout expliqué comment ça marchait de A à Z, les manettes, comment ça se branchait, et trucs comme ça, parce que voilà, maintenant c'est tout presque par infrarouge, ouais, c'est ça, Enfin, c'est même plus infrarouge, c'est par. T'as plus besoin de ton fil pour jouer Tu veux à dire la console. dématérialiser les jeux que tu Ouais, télécharges, bah, ouais. il y a tout dématérialisé et puis t'as les manettes, t'as plus besoin de les brancher avec un fil, quoi. C'est tout. Bah, si, c'est par infrarouge, en fait, que ça Ouais, marche, les quoi. manettes sans fil, ouais. Voilà. Et puis, expliquer qu'il n'y avait pas de carte mémoire pour la NES ou pour la Master System, qu'il fallait tout recommencer le jeu à zéro dès que tu avais éteint ta console. Enfin, voilà, ils étaient émerveillés. Ça m'avait rempli de bonheur, quoi. J'étais content. Voilà. D'accord. Voilà, non, mais enfin, c'était une petite C'est vrai, anecdote. mais Ouais. belle anecdote. Ouais. Donc, c'est vrai que là, on va s'attaquer plutôt à la Mega Drive et la Super NES, et peut-être, je sais pas, à la PC Engine, si certains d'entre vous ont sélectionné cette console. Il y a eu la Core Graphics, etc. Ça peut compter La dans les Neo jeux Geo profonds. AES, pour ceux qui avaient énormément de pognon. Bah, c'est pas trop 16 bits après, quoi. Là, Ah, on va dire, c'est plus du, quand même, 300 mégas. Donc, Ouais, il y en a qui disent que la Neo Geo, c'est de la 16 bits, mais quand tu vois la puissance. L'AES qui fait partie normalement des 16 bits, mais après, c'est discutable aussi, quoi. Ouais. Oui. Parce que c'est vrai que les Mais bon. cartouches Super NES Mega Drive, ça dépassait pas 32 mégas, gros maximum. Donc après, c'est vrai que la console AES, ça faisait beaucoup en plus au niveau du processeur, etc. Mais bon, les cartouches étaient énormes, hein. Vous voyez les cartouches Oui, Neo oui, Geo, c'était quand oui. même quelque chose. C'était un sacré truc. C'est pour ça que ça coûtait un bras aussi. Ouais, La Neo bah Geo fait partie des consoles les plus chères qui Et sont toujours sorties. maintenant. Voilà. Oui, et encore aujourd'hui, parce qu'elle reste assez collector. Mais en même temps, c'était normal. C'était une mini borne d'arcade C'est chez ça. soi. Et ça, c'était impressionnant. D'ailleurs, pour ça que quasiment aucun de mes potes en avait une, quoi. C'est dégoûté. Mais la Neo Geo faisait fantasmer, rêver, parce qu'on pouvait jouer à des jeux comme Metal Slug chez soi. Oh Ça, là là, c'est quel juste. jeu! Et c'est, ben, j'avoue que je voulais le mettre, mais comme la Neo Geo, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Ben 16 voilà. bits? C'est toujours compliqué, mais il reste pour moi un de mes coups de cœur. Et d'ailleurs, voilà, Metal Slug, quand je pouvais le faire sur borne d'arcade, c'était quasiment, je mettais tout l'argent dedans parce que c'est des moments incroyables. Et c'est pour ça que la Neo Geo reste un coup de cœur, mais les jeux que j'ai choisis ne font pas partie de cette console. Voilà. Ah bah après tu peux tricher, hein. Tu peux dire que tu l'avais, que Oui. t'as aimé, etc. C'est Mais bon. vrai, c'est vrai. Mais non, mais là, j'ai pris vraiment, on va dire 16 bits, oui, on peut dire On ça. reste dans le classique, quoi. Voilà, là, franchement, pour moi, mes titres que je vais annoncer, c'est du classique, hein. C'est les plus connus en général, mais en même temps, ils ont tellement marqué mon enfance et beaucoup d'entre vous. Bah voilà, c'est pour ça qu'ils vont être là ce soir. Par exemple, t'as qu'à commencer si tu veux, je te laisse te présenter ton premier jeu. Ah, Il n'y a premier pas forcément le jeu. classement, tu sais, Oui, numéro 1, oui. numéro 5, c'est comme tu veux, dans le désordre. Alors, je voulais parler d'Aladdin sur Mega Drive, mais Oui! voilà. On va dire c'est cultissime et très classique, mais j'ai préféré partir plutôt sur son petit copain qui vraiment m'a traumatisé en même temps marqué visuellement, c'est Le Roi Lion. Un jeu juste splendide au niveau de l'animation, des graphismes. Même encore aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas vieilli. C'est ce qui est quand même fou. Mais s'il m'a traumatisé, c'est surtout entre autres ce fameux passage avec les Ouistiti où on devait jongler entre eux et pour passer une espèce d'énigme à la con. Et je sais que quand j'étais petit, mais qu'est-ce que ça m'a traumatisé. Je n'y arrivais pas. Alors pourtant, ça paraît simple, mais non, ça, j'ai pas réussi. Et franchement, ce jeu pour moi est ouais encore un de mes meilleurs jeu de cette époque-là parce que bah ouais il n'a pas vieilli encore aujourd'hui il est facile de l'allumer et de s'amuser d'en prendre plein les yeux alors que pourtant c'est pas du 1080p c'est pas de la 4K tout ça et pourtant c'est magnifique voilà donc c'est un petit coup de cœur Mais est-ce que et la musique aussi et était la oui bah musique très voilà c'était vraiment bien retranscrit sur la Mega Drive qui moi je trouvais que la Mega Drive niveau bande son à chaque fois ça rendait vraiment enfin quand le développeur faisait quelque chose de bon la musique était vraiment c'était prenant quoi. Ah oui, effectivement, bah surtout que c'était difficile à ce moment-là, enfin pour ces consoles de sortir du très bon son, hein. C'est C'est sûr. pour ça que quand on entendait un thème qu'on reconnaissait, mais que tu voyais que le son était déformé, tu faisais. Mais en même temps, tu l'acceptais parce que tu savais que bah la technologie, c'est pas celle d'aujourd'hui, donc tu pouvais Voilà. pas transcrire la même chose. Et pourtant, ça te faisait un petit frisson, tu disais, oh, c'est mon thème à moi, j'adore, et ça te mettait dans l'ambiance, quoi. Donc voilà. Mais c'est quand même dingue parce que je me souviens que Disney à l'époque, à chaque fois que tu avais un jeu de Disney qui sortait, c'était un gage de qualité. C'est-à-dire que le jeu il sortait au moment du film, tu avais l'occasion de pouvoir jouer à ce jeu-là, et tu savais que c'était un jeu vraiment bien fait, bien fini, etc. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois des jeux Disney sortir, c'est limite, tu sais, ça a été bâclé, quoi. Moi, je suis hyper déçu de la progression et de l'évolution des jeux Disney C'est par rapport l'argent. aux consoles d'aujourd'hui, quoi, tu vois. L'argent, monsieur, c'est l'argent qui fait que les jeux deviennent médiocres suivant les licences, parce que une licence, déjà payer les droits d'auteur pour cette licence, ça coûte très cher. C'est vrai. Et parfois, pour développer le jeu, il te reste plus grand-chose, donc tu fais au mieux que tu peux. Alors, je C'est défends pas pas con, c'est forcément pas tous con. les développeurs, mais voilà. Alors qu'à l'époque, certes, les droits d'auteur, ça devait quand même coûter aussi un bras, mais ils pouvaient se permettre derrière au développement d'en mettre un peu plus ici, dans la musique, de respecter en fait l'univers qui était proposé à la base sur le produit. Et donc, ce qui fait que les jeux étaient largement meilleurs qu'aujourd'hui. C'est clair que les jeux à licence aujourd'hui, Pas terrible. voilà, on croise les doigts. Même si c'est vrai qu'avec l'évolution des consoles, par exemple les Batman et tout ça, on a vu quand même une certaine progression et on se dit que l'avenir pourrait nous promettre des gros jeux à licence toujours meilleurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1994, édité par Virgin, si je me souviens, je crois. Et c'est Oui, Westwood je crois que c'est ça, ouais. Studio et Avalon Interactive qu'on produit en studio ce jeu, voilà. Et franchement, il y avait la patte des grands jeux français à l'époque, tu sais, d'Éric Chahi avec Another World, etc. au niveau des animations, franchement. C'est vrai que c'est un jeu comme Aladdin ou les Mickey Mouse, tu sais, on s'en souvient, quoi. Ah visuellement, enfin, je trouve les graphismes, c'est d'une beauté. L'animation du personnage, c'est con. Aujourd'hui, on regarde plus trop ça parce qu'on sait que c'est bien animé, on est habitué. Mais à l'époque, pour animer le personnage, c'était pas simple. Et quand tu vois les animations de ces jeux-là, comme Aladdin et tout, tu te dis, il y a du taf quoi derrière. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre. Alors à cette cinquième place, j'aurais pu le mettre en premier, en deuxième. Voilà, on s'en fout. Pour moi, c'est juste un véritable coup de cœur et c'est pour ça que j'en parlais. Ouais, bah, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que moi j'y ai pas forcément pensé. C'est vrai que j'aurais pu penser à Aladdin comme t'as dit, mais Ah en général on parle d'Aladdin, c'est un ouais. des jeux qui revient le plus, alors que le Roi Lion est très bien, mais il y en a d'autres, hein. On parlait des Mickey aussi, mais c'est vrai que moi c'est le Roi Lion, c'est mon petit coup de cœur. Mais Aladdin, je l'ai fait aussi et il reste mémorable, hein. Faut être Ouais, honnête. faut être clair. Mais tu l'as terminé du coup, le Roi Lion, pas ouais. Hein. Oui, mais alors j'en ai vraiment pas souvenir parce que je l'ai fait quand j'étais petit, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas me dire tiens, je vais me le refaire. Et pourtant, je pense que c'est un jeu à se refaire en mode rétro chez soi, peinard, avec la vieille console. Alors. Même si aujourd'hui on peut utiliser des ROM, attention, c'est pas forcément légal. Mais voilà, il y a toujours moyen d'y jouer. C'est ça qui est fun. C'est avec Internet aujourd'hui, il y a moyen d'y avoir accès assez facilement. Alors que c'est vrai que je pense que le Roi Lion à trouver, ça doit pas être simple. Enfin, ça doit pas coûter si cher que ça, mais ça reste quand même le jeu à acheter. Il faut acheter la console, tout ça. Donc, mais je pense que c'est un jeu qui peut être facilement trouvable et surtout nous amuser dessus assez rapidement en fait. C'est vraiment un jeu assez simple, c'est un scrolling, c'est un jeu de plateforme, mais sans prise de tête quoi. Même s'il y a quelques énigmes, je parlais celle du Wistiti qui est la plus marquante parce que vraiment elle m'a traumatisé. Je le dis encore, c'est bref, je garde des mauvais souvenirs. D'accord. Je vais faire des cauchemars ce C'est soir, rien ça. qu'en parlant. Ouais, donc c'est un jeu qui est sorti sur plusieurs supports également. Il y a carrément eu une version Amiga 1200 en 95, un an après la sortie du jeu. Et bon, il a été amputé de 3 niveaux apparemment selon mes sources. Mais écoute, Selon nos informations, voilà. ouais, moi je l'ai fait sur Super Nintendo, je tiens à préciser, Ouais, voilà. c'est Donc, vrai. Il y avait c'est. un petit lifting en plus des graphismes un peu plus sympa, ouais. Ouais, il y avait toujours la guéguerre entre Mega Drive et Super Nintendo, les graphismes un peu mieux d'un côté, le son, etc. Mais en général, on retrouvait la même chose. Mais d'ailleurs, même Aladdin est sorti sur plein de consoles. Et à chaque fois, on pouvait voir qu'il y avait une certaine régression au niveau des graphismes suivant les supports. Ouais, ah tout à La fait. version Mega Drive étant pour moi la plus jolie pour Aladdin, pour ma part. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va passer à Nico. Nico, alors toi, ton jeu que t'as mis en cinquième Alors, position. en cinquième position, moi, j'ai mis Super Street Fighter 2, The New Challenger, en fait. C'est Ouais. mon premier jeu de baston que j'ai eu, donc, à l'époque, sur Mega Drive. J'avais joué auparavant, c'était un Street Fighter 2, c'était sur Super NES, et j'avais trouvé ça pas mal. Et du coup, j'en avais parlé lors du podcast sur les magasins de jeux vidéo d'époque, où c'était mon premier jeu de baston, et le mec avait réussi à convaincre ma mère de vendre, d'acheter aussi la manette à 6 boutons de la Mega Drive. Et ce jeu-là, mais j'y ai passé des heures et des heures. Pour moi, les graphismes, c'était super beau, quoi. Enfin, franchement, pour un jeu de baston sur une Mega Drive, c'était super beau. Et puis voilà, t'avais trois ou quatre nouveaux combattants par rapport aux anciens Street Fighter. Et moi, j'adorais prendre l'Indien T-Hawks, c'était voilà qui s'appelait. Et il avait un coup à chaque fois qui était presque fatal. Tu le faisais envoler et après il descendait en un peu comme un corbeau, tu sais, sur une Oui, en proie, sur piqué. un aigle, voilà. Et ça faisait mouche à chaque fois et ça en devenait même trop facile en fait, à force. J'ai gagné plusieurs fois ça. Alors après, je me mettais des challenges dessus. Je prenais aussi c'était un nouveau combattant, c'était Fei Long, qui était vraiment le sosie de Bruce Lee. Il avait à peu près les mêmes moves en fait, si tu veux. Et puis bah franchement, j'adorais. C'était tout ce qui était musique. C'était ouais, vraiment l'ambiance Street Fighter qui était vraiment bien retranscrit. Alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Ils disent que c'est de la merde parce qu'il y a juste un ajout de 4-5 personnages dedans par rapport aux anciens. Mais pour moi, qui ai très peu joué aux anciens Street Fighter, pour moi, franchement, c'était un régal de jouer à ce jeu-là, quoi. Ah, je Il peux est comprendre. sorti, il est sorti en 94, je crois, parce que en fait, il était sorti en arcade en 93 et il est sorti en 94. Et moi, je l'ai dû l'avoir peut-être 2 ans après à peu près ce jeu-là, quoi. Mais du coup, il y avait une version de Mega Drive aussi qui est sortie un peu plus tard, je crois, par rapport à la Super NES au Japon, Super Famicom. Il a été un peu décalé sur Mega Drive, si je me souviens, Ah d'accord. t'as Bah moi ce c'est bien lien ou sûr, pas? c'est sur Mega Drive, hein, moi. Bah D'accord, écoute, d'accord. moi je l'ai pas eu à la sortie, je l'ai eu peut-être, toi ouais, j'ai dû l'avoir 2 ans après, je pense, Ah oui. Ouais, t'as pas, sur t'as, la tu Mega l'as pas Drive, eu au quoi. jour J, en fait, de Non la non non, j'ai sortie, pas eu au d'accord. jour J, non. Et bah ce qui était recommandé, c'est d'avoir cette fameuse manette à 6 boutons, Obligé. car les touches du haut c'était les coups de poing, les touches du bas c'était le coup de pied. Après tu pouvais jouer avec la manette à 3 boutons, mais il fallait appuyer sur Select à chaque fois pour changer. Coup de pied, coup de poing, quoi, en fait, si tu veux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que après, c'est un jeu qui a marqué les esprits, mais je pense qu'il y avait une petite lassitude qui s'est installée, si tu veux, chez les joueurs par rapport aux premières versions qui sont sorties quand même un peu plus tôt sur Super Famicom au Japon et ils sont arrivés en Europe un peu plus tard. Et les joueurs essayaient toujours d'adapter d'avoir les versions japonaises pour jouer sur leur console. Bien sûr. Et cette version, c'est peut-être pour ça qu'elle a été un peu boudée, parce qu'elle est vraiment sortie un an et demi, je pense, après le Japon. Donc ça a un peu. Oh, Ça, je crois attention, qu'elle a pas trop marché. Boudé, il fait quand même plus de 12 millions d'exemplaires vendus, hein. Il est sorti sur pas mal de plateformes. Alors, toutes Ça plateformes reste, confondues, ouais, voilà. ah oui, Mais ça en reste quand même Europe, en l'un des France Street même. Fighter. Ah oui, Tu sais, après. avec mes potes, je me souviens, on discutait de ça et ils étaient pas trop fans de cette version-là après, mais bon. Bah voilà, Ouais. mais parce que ils avaient joué aux autres Street Fighter d'avant. Et moi, c'est la première fois que je découvrais vraiment. Bon, j'avais dû jouer à un autre avant, ça devait être sur Born Arcade. Et quelques temps après, voilà, j'ai eu ce jeu-là. Et pour moi, c'est un bon souvenir parce que c'est mon premier. Je suis sûr que si j'avais joué aux autres d'avant, j'aurais dit, bah c'est de la merde. D'ailleurs, pour notre petite anecdote, C'est de la quelques temps merde, t'es pas après, obligé d'aller d'ailleurs, jusque-là. c'est la soirée. Non, mais pas longtemps après, j'ai joué à Street Fighter 2 Turbo qui a dû sortir pas longtemps après, et j'ai dit mais c'est pas, enfin moi j'ai pas trouvé terrible parce que Turbo, bah voilà, ça accélérait tes mouvements, voilà, payer je sais pas combien une cartouche juste pour un ajout comme ça, j'avais trouvé ça pas terrible, quoi. Donc mais comme c'était mon premier, ben voilà, c'est pour moi ça c'était un bon jeu, quoi. Bah, c'était l'un des meilleurs jeux de baston, hein. Après, on aime la version ou non, ça c'est autre chose, mais ça reste des meilleurs jeux de baston. Street Fighter, ça a marqué les esprits, C'est une valeur sûre, quoi. et surtout on pouvait jouer avec un pote, quoi. Ça, Voilà, c'était ça voilà. qui était énorme. Affronter un ami avec, voilà, t'étais chez toi avec ton pote et tu t'affrontais, tu te foutais sur la gueule. Et ça, C'est c'est ça. incroyable parce que sinon il fallait passer sur borne d'arcade et les prix n'étaient pas les mêmes. Il fallait mettre Ah, des pièces de c'était pas piécettes et pareil, j'avoue. Et la jeune génération qu'on était nous, à ce moment-là, on pouvait pas forcément aller sur des salles d'arcade, il n'y en avait pas des milliards non plus. Et donc c'est pour ça que ouais, avoir un jeu Street Fighter sur console, en plus sur Nintendo, c'est parce qu'aujourd'hui c'est inconcevable quasiment, hein. Et pourtant c'est sorti chez Nintendo. Nintendo a accepté qu'un jeu Street Fighter où il y a de la violence, hein, où on voit même des femmes avec des boobs, soit affiché, ils l'ont accepté. Et pour ça, bah c'est pour ça que d'ailleurs moi aussi il était dans mon classement, du coup je ne le Ah mettrai pas. mince. Ah bah non, ça prouve que les grands esprits se rencontrent Oui, quelque part, voilà. parce que il a marqué. Street Fighter 2 reste un très très bon jeu, c'est Mais pour ça voilà, qu'il mais il fait y a eu partie. plusieurs versions hein, de Street Ah Fighter oui. 2. Hein. Voilà, moi j'ai The New Ouais. Challenger. Après, je comprends après la lassitude de certaines personnes parce que voilà, tu dis merde, je pensais avoir acheté le dernier, puis finalement il y en a encore un autre qui sort après. Merde, Mais enfin. maintenant, pour ceux qui se plaignent, juste jouer au tout premier Street Fighter qui Bon a bah c'est de la merde existé. celui-là. Voilà. Et au Tu moins, meurs là, en deux vous pouvez secondes. vous plaindre. Vous pouvez vous plaindre. Tu meurs en deux trois coups là, c'est t'as même pas le temps de taper le mec qui t'a eu déjà. Ah, Sagat, il te viole. Ouais, Ah, c'est il est ça. pété. Donc voilà. Donc c'est pour ça, il faut relativiser les choses. Certes, il est peut-être pas parfait et forcément, il y a eu 50 millions de versions, mais il reste un excellent jeu, je pense. Ouais. Moi, j'adore. Et c'est vrai que le premier Street Fighter, j'avais regardé des vidéos où ils présentaient le jeu parce que, un peu comme nous tous, on n'avait pas connu ce jeu-là en borne d'arcade, on était trop, on était peut-être pas en âge d'aller dans des fêtes foraines tout seul ou quoi, mais bon. Et si tu veux, Street Fighter, le tout premier, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pas possible, ils ont créé le jeu pour que les gens mettent de l'argent dans la borne, en fait. Tu peux pas jouer? Tu peux pas C'est gagner. ça. C'était un jeu où tu pouvais littéralement pas gagner. Quoi que tu fasses, t'étais obligé de En trois perdre. coups, t'étais mort, quoi, presque. Voilà, mais d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le joueur du grenier avait Voilà. encore présenté ce jeu. C'est pour ça aussi que ça permet aux jeunes de voir à quoi ressemble vraiment. Ça mérite le coup d'œil de voir juste cette première version, à quel point elle était à chier. Mais alors, elle était à chier. Et on peut voir aussi la belle évolution. Et heureusement, Street Fighter aujourd'hui reste un des jeux les plus populaires en matière de baston. Hein. Ah, mais on est d'accord que celui-là, il est pas dans nos coups de cœur et Ah, le heureusement. premier, non. Le premier, Le non. 2, oui, mais pas le premier. Ah, le premier, ah non, lui, ça, bah, si on avait un classement des pires jeux, je pense qu'il fait partie Ah. de ce classement sans problème. Ouais, faudra qu'on fasse ça, je pense, mais Oh, il y a on fera. tellement de mauvais jeux, ça serait Oui, il y en a interminable. trop. Ah, on C'est pourrait ça. faire un Il y en a 5 trop, des là. plus mauvais jeux aussi, ouais, c'est sûr. Ah, on peut en faire plein, Ouais. Bon, À toi, vas-y, Gabi, ouais, ouais. par rapport à mes choix, donc moi j'ai hésité à mettre ce jeu en cinquième ou en troisième position carrément parce que mon classement il se tient vraiment sur mes coups de cœur. Ça va pas forcément être des jeux, tu sais, surtout les trois derniers, des jeux que tout le monde a forcément apprécié ou carrément, je pense que tu vois, bah, je vais le dire, c'est Sonic 2. Pour moi, Ah c'est oui. peut-être un jeu que les gens ont mis en premier carrément dans leur top. Dans leur top de jeux de tous les temps avec les Donkey Kong, etc. Parce que pour moi, Sonic 2, c'est un super jeu. C'est le 1. C'est le 1 sur Mega Drive, mais mieux. Avec des musiques meilleures, des niveaux beaucoup plus intenses. T'as ton petit pote qui est avec toi qui te suit. Tu peux changer de personnage, etc. Tu peux jouer à deux sur écran splitté. Il y a des niveaux où t'as des petites séquences de flipper, des séquences en 3D. On est en novembre 92, hein, je sais pas si vous imaginez, il y a déjà de la 3D en profondeur sur une Mega Drive, dans des séquences, Ouais. dans des tubes, un peu comme ce qu'on aura sur Dreamcast beaucoup plus tard, donc, oui, et Nintendo 64 aussi, dans les Mario. Et c'est une technologie qui avait été un peu. Je me souviens plus comment ils avaient créé ça, je sais pas si vous avez des infos, mais sur Mega Drive, ils avaient voulu imiter le mode 7 qu'avait fait la Super Super NES. NES. Et donc il y avait une petite technologie qui permettait d'avoir, tu sais, des petits effets de profondeur de 3D dans des niveaux où tu avais Sonic devant toi en troisième personne, et tu avançais à fond, etc. Tu ramassais des pièces, enfin des anneaux, pardon. Non, franchement, c'est un super souvenir ce jeu parce que je sais pas si vous vous souvenez des musiques, mais c'est. Alors plus tard, on a appris que carrément Michael Jackson avait composé certains thèmes. Pour le jeu ça se ressent parce que le niveau 2 par exemple dans les tuyaux dans le futur etc je pense que c'est celui qui a marqué le plus de gens pour Sonic 2 parce que finalement le jeu était tellement long que à un moment donné si tu veux tu te perds un peu dans les niveaux tellement c'est le jeu il est long hein, quand même parce que je sais pas si vous l'avez fini moi je l'avais terminé vous l'avez fini ou pas non? Non, moi non, parce que je n'y ai pas joué. Moi Ah, j'ai... Et non, t'es mais... anti-Sonic peut-être, Ah non, pas du tout. non? Au contraire, puisque dans mon classement, mais je ne peux pas dire pour l'instant, donc je te laisse finir. D'accord. Non, moi, j'avais que la ver... j'ai que la version super Master System en fait. D'accord, bah je pense Et que ça qui... se rejoint un peu ça après. se rejoint, mais alors moi, au niveau de du Delta Plane, après j'y ai arrêté parce que c'est injouable pour moi. J'ai jamais réussi à aller plus loin. Je sais pas s'il y a le même niveau. Moi, je parle du Sonic 2 où t'es avec Ouais. Tails. Ouais. Ouais, et à un moment sur la Master System, t'as un niveau où tu dois prendre un parapente, enfin un deltaplane, pour aller de l'autre côté d'un grand précipice, quoi, en fait, d'un autre Ouais. côté d'une falaise. Et le problème, c'est que ça a tellement été mal programmé que la plupart du temps, tu tombes dans le vide, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Et ça, c'est le super étonnant. cauchemar de beaucoup, beaucoup de joueurs, de joueurs qui ont joué à Sonic 2 sur la Master System. Et du coup, j'ai jamais vraiment joué au Sonic 2 de la Mega Drive parce que je pensais que c'était exactement pareil, en plus joli. Mais Ouais. voilà, c'est ce qui m'a un petit peu rebuté. J'avais pas envie de le faire. Sonic 1, je l'avais terminé. J'avais pas envie de le faire sur Mega Drive. Et pourtant, ça se ressemble, mais c'est quand même beaucoup plus joli que sur la Mega Drive, je veux dire. Et le 2, bah non, j'ai jamais vraiment joué au 2, hein. Donc je peux pas te dire, Ouais. j'ai pas vraiment de souvenir. Ouais, moi c'est pareil, la Master System, j'y ai pas touché, j'ai pas eu de Game Gear non plus. Ouais. Donc je pourrais même pas te faire un comparatif des deux versions. Tout ce que je sais, c'est que pour avoir ce jeu, on avait cotisé entre frères et sœurs pour l'acheter, parce que si tu veux, voilà, quand t'as 14 ou 15 ans, et que tes frères et sœurs veulent un jeu aussi sur la console, là que la console est un peu à tout le monde, donc tu fais un compromis, voilà, Ouais. et puis t'achètes. Et finalement, bon, Sonic 2, c'était un super compromis pour tout le monde, je me souviens que le soir, on l'a eu, on a dû jouer jusqu'à minuit, on a été obligé d'éteindre la télé, les parents ont été obligés d'éteindre la télé pour nous mettre au lit, quoi, parce que c'était un jeu qu'on n'avait jamais. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. Si tu veux, à l'époque, t'avais que des jeux de plateforme. Bon, t'avais déjà eu Sonic 1. Mais Ouais. voir ce type de jeu qui allait aussi vite avec des musiques fantastiques, etc. Pour moi, c'était un jeu qui était largement en avance sur son époque. Et je garde des super bons souvenirs. Et ça, comme tu dis, Guide, tout à l'heure, pour parler du Roi Lion, c'est un jeu qui n'a pas vieilli, concrètement, quand tu le revois. Donc Ah oui, tu voilà. peux encore y jouer sans problème maintenant. Franchement, c'est magnifique. Les musiques, enfin, franchement, les musiques de Sonic, que ce soit le premier ou le deuxième, sont vraiment. Ça reste en thème. Hein. Enfin, ça reste en tête, pardon. Ouais. Donc, Donc voilà, je ouais. vais pas m'attarder non plus hein, sur Sonic 2 parce que tout le monde connaît. Voilà. Donc vas-y Guédin, hein, si tu veux parler de ton prochain jeu. Voilà, je voulais parler aussi de Sonic, premier du nom, mais on en Ouais. parle encore. Donc je vais Non, éviter, donc je vais changer. Heureusement, bah tu peux j'avais. hein, Non, vas-y. c'est pas grave. Alors, ce jeu, il est pas forcément connu parce qu'il est surtout connu pour sur la borne d'arcade, mais il est sorti sur Mega Drive, entre autres, Alien Storm. Ah oui. Donc, c'était un jeu, tout simplement, où on défonçait de l'alien. C'est Mais quand ça. je dis défoncer, c'est défoncer. Je crois qu'on pouvait jouer une femme, on pouvait jouer un espèce de mec, un américain qui ressemblait à Arnold. Tout simplement, Un c'était blond, ouais. son, ouais, voilà, c'était sa caricature. Et ce jeu, alors, il était assez court parce que c'était, en général, les jeux arcade étaient très courts en réalité. Il y avait très peu de niveaux, mais personne n'arrivait jusqu'au bout parce qu'il fallait mettre tellement de pièces que voilà. Mais ce Alien Storm, mais il est juste mémorable parce qu'on dézingue des aliens en masse. On pouvait même, je crois, incarner un Predator. Enfin, bref, c'était juste la folie. Et c'est pour ça que, bah, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Alors, il est sorti, je crois, en 90, quelque part par là. Et si vous l'avez pas testé, bah, vous pouvez le trouver assez facilement. Mais franchement, il mérite vraiment le coup Il d'œil mérite parce que. d'être testé. C'est Ouais. un, allez, je vais oser le dire, c'est un Street of Rage niveau un peu, enfin avant l'heure déjà, et niveau extraterrestre où t'as un moment, t'as un petit peu comme dans un passage de Shinobi sur Master System où t'es dans un magasin et tu dois tirer le plus possible de d'aliens qui passent et ça te, tu remportes des points avec ça en fait. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que là, on parle pas juste de petits bonhommes qui sont affichés, on parle d'aliens qui sont quand Ah même ouais. assez mastoc, et ça arrive que des fois, bah, la console ralentissait parce que toi, t'envoies de la purée à mort, t'as plein d'aliens qui s'affichent, ça ralentissait, mais en même temps, tu voyais des grosses créatures te foncer dessus, t'avais peur. Alors, les dialogues au niveau, des quelques cinématiques, si on peut appeler ça des cinématiques, c'était juste incroyable, c'est digne des films série B et tout, enfin, Ouais. mais, c'est fun, quoi. C'est un jeu où tu ne réfléchis pas du tout. Tu joues, tu dézingues, t'avances et tu t'éclates, t'affrontes de plus en plus de grosses créatures parce qu'on et à va affronter deux, des gros aliens. C'est Et à encore deux. mieux, quoi. Ah ouais, C'est à deux. un pied pas possible, quoi. Ah ouais, franchement, c'est dommage que très peu de gens en parlent et même très peu de gros vidéastes ont présenté comme jeu. C'est un jeu qui a jamais été réellement montré. Et pourtant, c'est un petit bijou. Dans les critiques que j'ai vues cet après-midi, beaucoup disent qu'il est trop répétitif en fait comme jeu. Bah, c'était un bitzémol, hein, toi. Voilà, c'est un bitzémol, donc c'est un peu normal. Mais pour moi, c'est le jeu, un jeu à avoir dans sa vidéo, enfin, dans sa game tech quoi en fait. Hein, c'est Ah ben. vraiment, il doit pas être bien cher en plus, je pense, hein, ce jeu-là. Non, Donc non, non, clairement pas. Mais voilà, par exemple, je vois une note sur jeuxvideo.com, c'est un 12 sur 20. Mais ça mérite pas un 12 sur 20, Oh, j'ai mais dit non, non. jeuxvideo.com quoi. Non, ne commençons pas ce genre de débat, s'il vous plaît, restons sérieux. Mais non, mais voilà, c'est un jeu qui mérite pas du tout sa note. Au contraire, quand vous le testerez, vous verrez qu'il y a moyen de vraiment passer un bon moment. Certes, c'est court, mais en même temps, comme je dis encore une fois, les jeux d'arcade, très très peu de gens s'en rendent compte, mais ils étaient très courts. Hein. Ils étaient en général, t'avais 4, 5, 6 niveaux et ça se terminait avec un vieux clap de fin et basta. Et pourtant, t'as investi pas mal de thunes, alors que là, bah, il est sorti sur console et pourtant pas sur une console des plus puissantes. On aurait pu croire qu'il allait sortir sur Neo Geo directement et uniquement sur celle-là, puisqu'elle était plutôt destinée aux jeux d'arcade. Et pourtant, non, là, on a eu la chance de l'avoir sur Mega Drive, entre autres. Voilà quoi, Alien Storm, Quel faites-le! jeu? Ouais, faut le faire. Je l'ai Faites-le! pas mis dans mes classements, mais franchement, je voulais le mettre en cinquième. Et puis je me suis dit bon, j'y ai joué, mais pas assez par rapport aux autres de mes classements, quoi. Mais pour moi, ça, c'est un jeu à avoir dans sa bibliothèque, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà. À Vas-y, moi, alors à vas-y. moi, bah, je vais parler de Lotus 2 Rex. Alors, c'est pas une course de papier toilette Tu vas le voir là, sur la tu vas route, le hein. voir, attention, vas-y. Il faut que Non, tu nous alors, vendes c'est le un jeu jeu, là, ça? parce que. Alors voilà, c'est pas forcément un jeu exceptionnel. C'est un jeu donc comme le dit le titre, c'est sur des voitures de la marque Lotus, hein, une voiture de sport. Voilà, t'as le choix entre trois véhicules, une jaune, une rouge, une verte, si je dis pas de bêtises. Et si vous voulez, ça fait un peu, ça reprend un petit peu la trame de Roach Rice. Voilà, au lieu que ce soit les motos, là c'est de la voiture. On fait des courses, on doit éviter des obstacles. On doit essayer d'arriver en premier de la course, quoi, en essayant d'éviter des obstacles. T'as beaucoup beaucoup de paysages différents. Tu peux rouler sur la neige, tu roules dans le désert, tu roules dans des montagnes. Ça ressemble un petit peu aussi à Outrun. Voilà, quand tu changes de monde comme ça, t'avais le choix de difficulté. T'avais le choix entre ben facile, moyen et difficile. Et puis voilà. Mais moi, ça, c'est un jeu qui est, allez, c'est pas forcément un très très bon jeu, mais moi, j'ai beaucoup joué ce jeu à deux, et c'était des heures de rigolade, parce que voilà, on essayait de se rentrer dedans, essayer d'emmerder l'autre qui roulait, voilà. Et puis essayer d'éviter des plein de, t'avais des flaques d'huile, t'avais des barrières, t'avais des voitures qui arrivaient en face. Enfin, franchement, pour l'époque, il était vraiment bien fait. Et t'avais aussi une jauge d'essence, et ça, fallait vraiment faire attention. Alors, j'ai lu récemment que c'était pas une jauge d'essence, que c'était la jauge de réparation de la voiture. Et plus ça baissait, bah plus ta voiture elle ralentissait. Et à un moment, bah dès que t'arrivais à un endroit, c'était marqué pit, donc fallait que tu te mettes sur le côté et puis ta voiture se régénérait. Et voilà. Alors c'est pas forcément un musique. Oui, je parle de musique parce que je vais en parler de la musique. C'est pas forcément un. Il y a mieux comme jeu de voiture, mais c'est un jeu qui est sympa. C'est un jeu qui se finit assez rapidement. Par contre, le seul hic que je pourrais trouver, c'est les musiques qui sont mais agaçantes. Ouais. Des musiques qui sont trop, en fait, trop fortes et trop aiguës, quoi, en fait. D'accord. Sur Et Megadrive ou il est que sur sur Mega Drive. Megadrive? Moi, Ouais. malheureusement. Moi, mes 5 jeux préférés seront que sur Mega Drive parce que voilà, c'est la. J'ai pas eu de Super NES. Et puis sur Super NES, pour le moment, j'arrive pas à trouver le jeu qui me plaît vraiment, vraiment, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment des souvenirs d'enfance que j'ai sur la Mega Drive. Et ce jeu-là, bah, Lotus 2. Alors, il y a eu plusieurs. Ça fait comme Street Fighter, hein, il y a eu plusieurs versions. Là, c'est la version Rex. Alors, je sais pas ce que veut dire Rex. Recs. Il n'y a pas de traduction. Mais voilà, c'est un bon petit jeu à deux, c'est super fun. Voilà, c'est pour ceux qui aiment Roach Rice, le jeu de moto, ben ils aimeront ce jeu-là parce que y a beaucoup de Rodrache, tu veux dire, Rodrache. Qu'est-ce que je dis? Ouais, Road Rash, pardon, oui. Je dis. Non, c'est compris, t'inquiète pas, C'est mon anglais qui est approximatif. Ouais, c'est vas-y. Road Rash, ouais. Pour ceux qui aiment ce jeu-là, ils retrouveront des similitudes avec Lotus 2 Rex et voilà, quoi. Mais moi, c'est plus un souvenir de jeu à deux que du jeu en lui-même, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je connais bien ce jeu-là parce qu'il était sorti, je crois, sur Amiga aussi et Atari. Ouais, voilà, ouais. Non, c'était un jeu sympa. C'est vrai qu'ils avaient voulu faire un jeu plus évolué qu'Outrun. Mais c'est vrai que les musiques, par contre, Oh ont là été là. loin d'Outrun. Ouais. Ah, C'était. c'était agaçant parce que et ça me fait penser aussi à Atlanta 93 à 96, le jeu de l'officiel de JO Ouais. qui est pas mal mais qui est inaudible, inaudible du début à la fin. Ouais. Les musiques, ça enfin tu peux pas jouer avec le son parce que ça t'arrache les oreilles, ça te fait saigner les oreilles quoi. Ils ont fait chier des mouches Ah, j'en sais rien. Non, mais c'est des musiques qui. En fait, le souci, c'est que c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, c'est qu'elles sont trop aiguës. Ah oui, d'accord, c'est Et voilà. carrément, d'accord. Et dans Lotus de Rex, eh ben, les musiques sont beaucoup trop aiguës et ça t'agresse les oreilles, quoi. D'accord. C'est vrai que moi j'aurais pensé aux jeux de sport, tu sais, où ils mettent un sèche-cheveux pour faire les Ah voix des oui. spectateurs ou Ah des non choses non comme non ça. non là là non non là dans Atlanta 96, c'est un jeu qui est sympa, mec. Les musiques t'agace quoi, t'es Ouais. obligé de baisser le son chaque fois quoi. Ah, c'est bien dommage, ouais. Mais bon, c'est les Jeux Olympiques, c'est des jeux qui sont produits rapidement, hein. Voilà, Ils ont très ça. peu de temps pour les finir, pour les sortir avant les JO comme d'habitude. Il n'y avait pas de DLC, les amis, à l'époque. Non, Donc, mais non, c'est sûr. vous ne pouvez Mais pas c'était pas terminer plus le mal. jeu. C'était pas plus mal. Bah, Ouais. voilà, et je veux juste revenir, que ce soit sur Street Fighter 2 ou Lotus 2, à l'époque, voilà, t'avais pas, pour ceux qui connaissent pas, il n'y avait pas de DLC. Maintenant, je suis sûr qu'il sortirait un Super Street Fighter 2, The New Challenger, le Turbo et puis le Champions Edition. Et ben, bah, ce serait des DLC, quoi, en fait. Ouais, ils te font payer les persos, tu Voilà. sais, 2 € le personnage, et puis Et puis voilà, tu voilà auras quoi. un nouveau jeu encore plus complet qu'avant. Là, non, avant, il sortait vraiment jeu par jeu, quoi. Ouais, par contre, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de personnages qui servent à rien, auxquels tu. C'est un mixage à chaque fois des coups des autres avec une apparence différente, mais on s'attache pas. Je pense que d'avoir 15-20 personnages, c'était le bon numéro, le bon chiffre. Tu pouvais choisir quelqu'un vraiment avec un caractère charismatique qui te ressemblait, tu sais. Et là, combien y a de personnages aujourd'hui dans un Street Fighter 3 je sais Bon, pas, tu dois même 5 ou 6, on en est combien là? Je sais plus, on en est au Mais cœur surtout du la jeu. Une question. trentaine, Peut-être, je sais pas, non? La question, c'est que les gens râlent parce que il nous faut toujours plus de personnages parce que soi-disant on s'ennuie, mais qui joue tous les Avec tous les persos, personnages? voilà, c'est ça. Voilà. En réalité, on en joue un ou deux, et voilà, parce que c'est celui-là qui nous plaît. Et pourtant, derrière, on gueule quand même en disant, ouais, mais j'en veux plus, mais tu joueras jamais avec. C'est Ouais, ça. tu vas le regarder. Alors, bien sûr, à affronter, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Donc, en fait, au final, à l'époque, il y avait peut-être peu de personnages, mais tu y jouais avec, et au pire, tu choisissais qu'un personnage parce que c'est celui-là qui te plaisait, il te correspondait ou tout ça, et tu te cassais pas la tête en te disant, mais s'il y avait plus de personnages, non, tu t'en foutais, tu jouais. Et en plus, tu jouais surtout avec des potes parce que c'est surtout ça. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, on joue pas mal en versus, des fois contre l'IA, et de temps en temps, on joue en multijoueur, mais c'est vrai qu'avec les serveurs, on a toujours peur qu'il y ait un petit peu de lag et du coup, tu te fais niquer. Donc voilà, donc il faut pas gueuler sur le fait qu'il y ait peu de personnages. Au contraire, c'était normal et c'est peut-être même plus plaisant qu'aujourd'hui où on attend à chaque fois un DLC pour un nouveau personnage. Mais bon, tu te dis ouais, mais je m'en branle en fait. J'ai déjà mon perso. Ouais, Donc, c'est à peu près ça, on va dire, ouais. Donc pour moi, mon quatrième jeu que j'ai choisi, c'est. On reste dans le thème un peu futuriste, alien, etc. C'était un peu le thème de la Mega Drive en même temps. Je crois qu'il y a 80% des jeux, c'était ça. Mis à part les jeux Disney. Bah, ils essayaient d'être sérieux en fait, alors que Nintendo essayait d'être ce côté enfantin, donc ce qui n'a pas vraiment marché pour malheureusement la Mega Drive. Exactement, ouais, c'est un peu l'idée que j'ai aussi, tu sais, Nintendo plus en dessous des 15 ans et Mega Drive un peu plus adulte dans l'idée des jeux. Ah, mais c'était totalement assumé et voulu par Nintendo, et c'est ce qui a marché, parce qu'à l'époque, bah, forcément, les jeunes joueurs et tout ça, étaient, c'était la jeune génération, ils étaient jeunes et tout, donc ils savaient qu'il y avait plein de monde. En plus, les parents étaient obligés eux-mêmes d'investir, et derrière, les parents parfois s'amusaient, et donc au final, ils avaient toujours plus de monde, alors que la Mega Drive, ils essayaient de surfer un petit peu partout, mais surtout dans le côté un peu sérieux parfois. Mais voilà, on sait ce que ça a donné au fur et à mesure du temps sur la plupart de leurs licences phares, comme Sonic, entre autres, qui est tombé tellement bas, tellement. Mais oh là là. Ne parlons pas de ce genre. Non. Vas-y, donne-nous ton quatrième jeu favori, s'il te plaît, sauve-nous de cette situation. Alors, je vais peut-être vous faire saigner les oreilles ou, oh, merde. ou les yeux. Non. Au chômage, Barbie Challenge. Non. Alors, pareil, c'est un jeu durant l'été. Alors, c'était l'été 93, je crois, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. C'est Terminator 2 Arcade Game. Alors, c'est un rail shooting sur le film Terminator 2 qui est sorti 2 ans et demi avant. Et pour moi, c'est la meilleure adaptation qu'ils aient fait sur un jeu Terminator. C'est-à-dire que quand tu vois le Terminator 1 qu'ils ont fait sur Mega Drive, qui dure montre en main 15 minutes, quand tu connais les niveaux par cœur. Quand je dis 15 minutes, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire tu mets niveau easy ou facile, en 15 minutes t'as fini le jeu. C'était une escroquerie. Et là, Terminator 2, alors moi je l'ai pas acheté jour J, j'ai attendu qu'il sorte en occasion et je l'ai essayé et j'ai fait mais ce jeu il est bien. Et en fait, bon voilà, vous avez une cible à l'écran, vous pouvez jouer à deux en même temps sur l'écran. Et bon, en arcade, par contre, c'est encore mieux. Vous avez le flingue d'un rebelle dans le futur et vous voyagez dans le temps pour tuer les Terminators jusqu'à arriver à la scène de la fin du film avec le camion rempli de comment dire de gaz de cryogène là qui où vous détruisez le T-1000. Et on va dire que ça respecte assez le film avec des petits niveaux en plus, etc. Mais le rail shooting est efficace, c'est fun. Et j'ai fait un petit zoom, tu sais, sur les sites internet pour voir comment il avait été reçu à l'époque ou même aujourd'hui. Ben, y a pas mal de 15 sur 20, de 86, 87%. Donc finalement, mon idée que j'avais du jeu quand j'y ai joué, ben, elle n'était pas si mauvaise. Et c'est du fun, c'est que du fun. C'est-à-dire, vous pouvez dégommer les têtes des Terminators, vous pouvez démembrer les Terminators, vous tirez sur les vaisseaux qui passent, vous ramassez des munitions. C'est un peu style Opération Wolf, avec des munitions que vous pouvez récupérer qui tombent, etc. Des jeeps qui passent, il faut les faire exploser. Enfin, c'est un Opération Wolf puissance 10. Et par contre, en arcade, il est super dur le jeu, il est impossible à terminer. Je sais que... Pour l'anecdote, j'ai terminé ce jeu sur la version arcade, tu sais, vous savez, en MAME, la console émulateur MAME. Ah oui, MAME, ouais. Voilà, la vraie version arcade, je l'ai terminé beaucoup plus tard avec mon frère, avec au moins, sans mentir, 50 continues. C'est-à-dire que c'est impossible à terminer, surtout sur les derniers niveaux. Mais il y a les musiques, il y a les graphismes qui sont corrects, voire assez bons. Il y a des petites voix digitalisées. Tout ça sur une cartouche 16 bits, ben franchement, c'est une bonne adaptation de l'arcade, au même titre qu'il y avait les NBA Jam et puis les Mortal Kombat. Et franchement, moi, c'est un jeu que je conseille à tout le monde si vous ne l'avez pas essayé. Par contre, il faut vraiment faire la version Mega Drive ou Super NES. Faites pas les versions Game Boy ou Master System ou Game Gear, parce que là, je pense que c'est la cata. Non, mais les jeux comme ça sur Game Boy, etc., faut les oublier parce que bah c'était pas assez puissante pour afficher ce genre de jeu, quoi. Il fallait bah rogner quelque part, que ce soit sur les graphismes et tout. Donc non, il faut éviter tout de suite, surtout la Game Gear. Désolé, j'adore la Game Gear, mais faut l'oublier. Ah, ouais. Testez jamais dessus. On s'est compris, voilà. Voilà. Donc voilà, bon, c'était un autre coup de cœur. J'y ai joué pendant un mois pendant l'été, je l'ai terminé. C'est un des jeux. Allez, je terminais pas beaucoup de jeux à l'époque, hein, mais sincèrement, voilà, quand je prenais du plaisir, comme plus tard dans le futur, j'ai fait Lost Vikings en 96 et j'y ai passé un mois, enfin j'y ai passé 2 semaines et je l'ai terminé tellement j'avais adoré ce jeu-là aussi. Et voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. Voilà. Là, c'est à Guide. Bah, on a fait le tour encore une fois. Ouais. Troisième. D'ailleurs, vite fait pour revenir, les rail shooters, ce sont des jeux qui sont presque disparus parce qu'ils ne marcheraient plus aujourd'hui. C'est fort dommage, mais il faut savoir que, par exemple, Terminator, il y a encore un jeu qui est sorti, alors il n'y a pas longtemps, façon de parler, il y a quelques années, mais qui est encore sorti en arcade. Parce que, en arcade, les rail shooters, c'est des très très bons jeux, assez difficiles en général. Il y a des jeux d'horreur avec des zombies et tout, mais Terminator a eu le droit encore à un nouvel épisode qui est aussi ardu. Et je cache pas qu'avec un pote, on l'avait fait dans une salle d'arcade à Bordeaux et il a dépensé un fric monstre juste pour qu'on le termine. Et on était deux pourtant. Et bien on en a dépensé des sous, mais ça en valait la peine quelque part parce que c'est fun. Enfin ouais. Voilà, je voulais. Il y a Rambo aussi qui était sorti il y a pas longtemps en rail shooter. Moi j'étais très heureux. Non mais j'étais très heureux parce qu'au début pour moi c'était un jeu Rambo, peut-être en vue première personne, je me faisais déjà des rêves sur ce jeu-là. Et le jour où ils ont dit que c'était un rail shooter avec des, je sais pas, des, c'était quoi, des, pas des Vietnamiens, c'était une bande de Vietnamiens, c'était black, en fait, c'était des Vietnamiens africains, en fait, qui étaient à la place. Enfin, c'était d'une nullité sans nom, mais d'une connerie. Et puis, alors, la tête de Rambo dedans, mais c'était nul, mais nul, nul, nul, nul. Franchement, c'était une déception. Et moi, j'ai jamais été vraiment fan des rail shooters, en fait. Pour moi, t'avais pas la liberté de faire vraiment ce que tu voulais, quoi, ouais. Mais bon. Après, voilà, mais je vais peut-être essayer Terminator, pour voir. J'ai envie de, voilà, tu m'as donné presque envie d'y jouer, je vais essayer d'y jouer, quoi. C'est sûr que Rambo, évitez-le, hein. Rambo. Non, Rambo, faut l'éviter, le d'ailleurs, dernier. D'ailleurs, c'est le dernier rail shooter et on comprend très bien pourquoi. À éviter. Voilà. C'est les rails français qu'on a maintenant, de nos rails, enfin laisse tomber, tu couperas ça, je voulais dire un truc, mais c'était... voilà, non, je vais le laisser, c'est cool, vas-y. Là, je dirais que c'était de la qualité de nos rails des trains de maintenant, quoi. Oh putain, ouais, tu vas loin dans la métaphore. Tu vas loin. Ouais, ça va trop loin. On est parti beaucoup trop loin. Ouais. Donc je vais donner mon troisième jeu, c'est le troisième. Alors celui-là, et je pense qu'il est pas très connu, en fait, je m'en rappelais pas, mais je l'avais fait il y a très longtemps, et après je l'ai retesté... voilà, chez moi, et je me suis dit, mais j'ai jamais joué à ce jeu, et en fait, si, c'est The Initium Factor. Alors, ce titre dira peut-être pas grand-chose, c'est sorti sur Super Nintendo, et en fait, c'est un jeu, alors j'appelle ça simulation, mais c'est vulgaire, mais simulation de pompier. On incarne un pompier, et on va faire tout ce que font des pompiers, entre guillemets, donc éteindre des feux, parfois il faudra sauver des gens des flammes, on aura des objets qui nous permettront entre autres de casser des portes, ou parce que des fois il y a des câbles électriques, donc il faudra les éteindre d'une certaine manière, et ce jeu, mais franchement, je me suis régalé à le refaire, alors que je pensais ne l'avoir jamais fait, mais en fait, si, je l'avais fait il y a très longtemps, donc quand j'étais jeune, mais alors aujourd'hui, je crois qu'on ne trouve qu'en import, entre autres, c'est très difficile. Il est super cher. Ah ouais, alors là, tu vois, ça tombe bien, ce matin, j'ai vu un épisode de Green Hill Memories, justement, et ils en parlent que ça fait partie des jeux les plus chers, en fait, maintenant, sur Super NES, quoi. Déjà, il n'est pas facile à trouver. Japon, à la base, si on l'use, on pouvait l'apprendre en import, donc ça, on pouvait l'avoir, parce que certains amis l'avaient, voilà. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ces jeux rares, et c'est dommage, parce qu'il est juste excellent. Vraiment, il est fun, il est beau. Le fait est qu'on incarne un pompier, ce qui est extrêmement rare dans le monde du jeu vidéo, pour dire, alors je disais simulation, c'est parce que voilà, il y a un petit côté, il faut faire attention à ce qu'on va devoir éteindre, parce que plus on passe du temps dans un certain lieu, plus les flammes vont grossir, moins on pourra atteindre certains objectifs, ou parfois certaines personnes. Donc parfois, il faudra, les laisser crever. C'est dommage, mais comme ça. Mais il y a aussi un petit délire d'énigmes, parce que on va voir par exemple une personne au-dessus d'un sol qui peut se briser, et donc si on marche, ben on brise le sol et malheureusement la personne meurt, donc il va falloir prendre un espèce d'objet pour l'attirer sur soi, donc il va falloir acheter cet élément qu'on peut acheter avec d'autres pompiers, enfin voilà, il y a tout un concept, et c'est con, mais c'est dommage parce que ça fait partie de ces jeux extrêmement rares et pas forcément très connus. Alors aujourd'hui, forcément, encore une fois, avec internet et les ROM, il est très facile d'y jouer, on est d'accord, mais si vous voulez la version, comme avait dit Nico, la version cartouche, il va être très compliqué de la trouver, je pense. Voilà, c'est un jeu assez rare, mais il vaut vraiment le coup d'œil, juste visuellement, et le jeu, quoi. Incarner un pompier, bordel. Ouais, non, mais on salue le pompier, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que t'es tout seul, du coup, ou t'es avec une équipe ? Et non, alors, si on peut appeler ça une équipe, puisque c'est l'intelligence artificielle de Ouais, une l'époque, équipe, ouais, qui te suivent. une équipe de branquignoles, parce qu'à un moment, t'as un pompier devant les escaliers, t'as les flammes partout, et il est là, il te dit, tiens, tu veux un objet, ça te coûte tant. Ouais, mais tu veux pas m'aider à éteindre le feu? Ouais. Alors, si je peux grappiller un peu de thune, va mourir dans les flammes. Merci, poteau. Voilà, ça arrive que ce genre de situation. Ou alors le pire, ça m'est arrivé. À un moment, je sauve une femme, donc je dois la ramener à un point précis. Et là, il y a des flammes qui apparaissent devant elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se jette dans les flammes. Ah, Ah bah n'hésite bravo. pas. Elles n'ont pas peur. Hein. Ces personnes n'ont pas peur des flammes. Alors, ça crée des frustrations, mais en même temps, c'est tellement drôle. C'est codé avec les pieds, hein, les intelligences artificielles de l'époque, mais c'est des barres de rire. Donc voilà, c'est The Ignition Factor. Si vous voulez passer un bon moment de rigolade, n'hésitez pas à le tester. Voilà. Ouais, c'est marrant parce Très bien. qu'au Japon, alors est-ce que c'est exactement le même jeu? Il s'appelait Super Fireman. Alors je sais pas si c'est exactement le même. C'est ça, c'est le C'est la même. traduction, je crois, Ah ouais. pour D'accord. nous. Et c'est marrant parce que du coup, là tu me dis qu'il est sorti en Europe. Pour moi, c'est une grosse, c'est une bonne surprise parce que Je crois pas que finalement. ça soit sorti en Europe. Hein. Je crois Non? qu'on pouvait l'avoir qu'en import, pas sûr. Je D'accord. ne veux pas dire qu'on est, mais il y avait beaucoup de jeux comme ça qui parfois, eh ben, il fallait les commander, Ouais. c'était en import, tout ça. Donc là, je pourrais pas vraiment dire avec certitude que ça soit sorti en Europe. Je pense pas. Je peux toujours vite fait regarder, mais ça m'étonnerait. Mais maintenant, voilà, y a moyen d'y jouer très très facilement. Il y a une version PAL apparemment Ouais. qui est sortie en 2011, mais pourtant le jeu lui Ah ouais, date mais de 80. sur la Wii, Voilà. voilà, mais sur Super Sur le NES, store. il est sorti Ouais. en 94 et en Amérique du Nord en 95, donc c'était peut-être une version US que tu avais, Voilà. Et c'est pour ça que voilà. là, d'ailleurs, le titre n'est pas le même, parce Voilà. qu'il a été traduit. Mais c'est un jeu fun et c'est tellement pas connu. Ça, encore une fois, c'est un jeu très pas connu. Il y a certains qui vont le connaître, mais c'est des jeux aujourd'hui, t'en parles à des jeunes, ils vont te regarder avec des yeux. Mais qu'est-ce que c'est? Surtout la jaquette, il faut juste voir la jaquette. On voit un pompier avec des flammes et t'as Avec le une gros gamine dans les titre. bras, ouais. T'as le gros titre avec un éclair entre les deux, Zunigation Factor, et là tu fais, oh putain, qu'est-ce que c'est ce jeu de fou? Et en fait le jeu est super fun, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il Ouais, est la, marrant à la... avoir, mais le prix Ouais. me bloque. Ouais, ça va, ouais. Ah, 200 Il y a moyen de euros, je les ai moyen de pas sur trouver une moi. ROM. Il y a des Mais c'est ROM. dommage. C'est dommage parce que la version américaine en jaquette n'est pas du tout... Enfin... T'as du mal à te rendre compte de ce que ça peut être au début, quoi. Quand tu regardes comme ça, tu vois du feu, tu vois un mec à côté. Bon, t'arrives à quand même à savoir que c'est un pompier. Quand tu regardes la version japonaise, là, tu vois un pompier en train de sauver une gamine et derrière, tu vois un immeuble en train de presque s'écrouler avec une énorme flamme derrière. Là, c'est un peu plus significatif. Tu te dis, ouais, là, je pense que je dois sauver des gens de d'un feu de bâtiment, quoi. Tu vois? Ah oui, non, c'est sûr qu'on peut, on se dit que dans l'un c'est un jeu de guerre et dans l'autre Voilà, c'est c'est vraiment ça. tu joues le pompier. Mais bon, de toute façon même la jaquette ça te dit pas vraiment ce que Puis tu vas Ignition faire. Factor, enfin, je sais pas. Ah, ça fait très émission américaine où Ouais, les gens doivent ils doivent faire des chanter, mini-jeux. c'est ça. Voilà. Et ça Ouais. finit très mal en général. Mais voilà, celui-là, c'est pas du tout ça. Et franchement, il n'est pas simple, hein, parce qu'il y a une sacrée difficulté. Les flammes montent vite et chaque niveau ne se rassemble pas. Ça veut dire qu'il y a des niveaux où il y aura des flammes, il y aura un autre niveau où ça sera de l'eau. Enfin, il y aura plein de trucs. Et à chaque fin de mission, tu vas voir plein de journalistes tout autour de toi qui veulent t'interviewer. Et tu fais, aujourd'hui, les pompiers peuvent faire tout et n'importe quoi, sauver des gens, des milliers de gens. T'as personne qui va aller les saluer ou les prendre en photo, etc. On en a rien à foutre. C'est triste, hein. C'est voilà. Mais là, le jeu pousse le vice très très lent où les pompiers font des trucs extraordinaires alors Alors que peut-être en sur France, mais peut-être qu'au Japon ou même aux États-Unis, il y a peut-être plus un engouement sur ah, eux, je sais pas. déjà faire un jeu sur des pompiers Oui. il y a que les Japonais pour faire ça hein. Ouais. On n'y penserait pas hein. Enfin Ouais. surtout encore aujourd'hui c'est dommage hein, c'est ça aussi ce délire de jeu un peu délire avec des pompiers ou autre ça s'oublie un peu mais voilà donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça je Ah, pense que c'est des t'as bien petits fait, ouais. Et là, on parle vraiment de trucs hein, pas forcément connus. Ah, des coups de cœur, ça Ah, peut ça, c'est aussi. un vrai coup de cœur. Hein. Vraiment, c'est. Voilà. Bah, très bien, très Parfait. bien. Bah, Nico, vas-y, je t'en prie. Bon, bah, moi, je vais faire retomber un peu le truc parce que, bon, moi, c'est le Barbarisme seul du jeu. cheval. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est le seul jeu de sport que j'ai mis dans mes préférés. J'aurais pu mettre un jeu de foot et finalement, j'ai mis EA Hockey. D'accord. C'est le tout premier jeu de hockey sorti sur la Mega Drive en 91 et ce jeu-là, mais je l'ai découvert, je vais le dire, 12 ans après sur émulateur, en 2003 quand ça commençait à peu près là, les émulateurs commençaient à peu près à se lancer et je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu de hockey parce que Alors ok, c'est le premier jeu, il est pas facile à jouer, ça ressemble un petit peu à un peu la jouabilité de FIFA International Soccer, mais dedans t'as une ambiance que je n'ai jamais pu retrouver dans les autres jeux de hockey. En plus là c'est la version européenne, n'avait pas la licence NHL, donc tu n'avais que les équipes internationales, et tu retrouvais donc la France, tu retrouvais le Portugal. Alors tu te disais, merde, le Portugal avec... ils ont vraiment une équipe de hockey sur glace, mais à l'époque tu disais, t'avais les USA, le Canada, et là t'as le Portugal, t'as les Pays-Bas, t'as la Yougoslavie, et trucs comme ça. Bon. Zimbabwe, tout ça. Non, ils sont pas allés jusqu'à là, mais bon, quand même. Et je sais pas, ce jeu-là, il m'a énormément plu parce que t'as une ambiance de patinoire, mais de patinoire comme si t'allais voir un match de troisième division de hockey, quoi. C'est pas une ambiance folle, mais ça fait une ambiance un peu champêtre. Mais voilà, t'as vraiment vraiment l'ambiance qui est bien retranscrite. Quand t'es mené chez toi, et ben t'écoutes plus la foule en train de chanter, t'écoutes comme la foule, une foule muette, quoi. Et voilà, enfin c'est, je sais pas, c'est un jeu qui m'a tout de suite plu. T'as les bagarres aussi en cours de match, t'as ton casque qui peut tomber. Enfin t'as plein de petits détails comme ça que je n'ai pas réussi à retrouver dans les NHL futurs. Voilà, et ce jeu-là, du coup ça a été mon premier jeu que j'ai racheté quand j'ai voulu refaire ma collection de rétro gaming. Parce que voilà, ce jeu-là, il m'a tapé tout de suite dans l'œil. C'était vraiment, vraiment le coup de cœur. Et celui-là, j'ai jamais joué à deux à ce jeu-là. J'ai toujours joué tout seul. Parce que la plupart des jeux que j'ai aimés, c'est des jeux que j'ai joués à plusieurs. Voilà, c'était vraiment de retrouver un pote, de passer une soirée à jouer à ce jeu-là. Non, celui-là, j'ai joué tout seul. Et franchement, je prends encore énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, on trouvait que vraiment la version avec les équipes internationales, mais il existait aux États-Unis avec la version NHL, justement, avec les équipes d'époque. On pouvait aussi le trouver, et c'est celui que j'ai en double jeu avec Madden 91 et puis ce jeu-là. Et on peut aussi le trouver en séparé, mais je trouve que c'est un peu plus difficile de le trouver en séparé, ce jeu-là. Tu trouves plus la version avec les équipes NHL qu'avec les équipes internationales, quoi. Non, mais là je te rejoins totalement parce que moi j'ai eu carrément la chance de l'avoir à l'époque quand il est sorti parce que il faisait partie de mes premiers jeux Mega Drive avec le jeu dont je parlais tout à l'heure, donc j'en parle pas tout de suite. Mais il est ok si tu veux, ça c'est un jeu vraiment comme tu dis, il a été fun. Il t'avait l'ambiance de la sirène quand tu marquais, ça gueulait Ouais, dans non, tous mais les sens. Alors moi j'y jouais à l'époque, tu sais, où il y avait à la télé Dance Machine, etc. et tout. Ah oui. Donc je mettais la musique à fond de la télé et je jouais au jeu, mais c'était une ambiance formidable. Les joueurs se rentraient dedans, il n'y avait pratiquement jamais de faute. C'était du fun, mais à l'état pur, c'était du... Moi je comparais ça un peu à du NBA Jam sur glace, si Ouais, tu veux. c'est ça à peu près, ouais. Et ça ressemblait pas vraiment à un match tactique, hein, comme on a pu voir sur Non, bah non, mais c'était Roller vraiment arcade. 17, Non, mais voilà. c'était très arcade. Et moi, le truc que j'adorais, mais il n'y a pas longtemps que j'ai vu ça, c'est que le mec, tu peux défoncer le mec, mais complètement sur la glace, et t'as la tache de sang sur la Ouais. patinoire, quoi. C'est Oui, le hockey c'est. sur glace, c'est très violent, hein, faut pas croire, hein. Bah, moins, C'est un peu moins Rayman, quoi, maintenant, c'est. mais voilà, à l'époque, ça se tapait bien dans la gueule. C'était très costaud les mises en échec et trucs comme ça, et franchement il était vraiment très très bien retranscrit. Alors certes, peut-être que l'ambiance était beaucoup plus forte dans les quand c'était en NHL, mais il y avait ce petit côté ambiance de petite patinoire de province qui était c'était sympa, quoi. J'adorais le jeu, quoi, et je l'adore toujours. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir un jeu de hockey sur glace dans un classement, parce que les jeux de hockey sur glace, ça reste des jeux de niche, parce que ça parle pas forcément à tout le monde. En général, c'est les jeux de Ben, foot, voilà. hein, on est C'est ça. d'accord, un bon FIFA, et d'ailleurs, même les jeux de foot à l'époque, on pouvait se casser Non, la gueule. je peux pas mettre un FIFA dans mes Ah préférés non, mais parce non, non. que ils sont pas bien jouables sur la Mega Drive, que ce soit sur la Ah. Super NES ou Mega Drive, je sais pas, Non, j'ai. non, mais voilà, en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir ce sport. Moi qui suis un ancien hockeyeur sur glace, ça fait Ah plaisir de voir. Donc, pour vous dire, ça fait plaisir. Mais c'est vrai si. qu'après, les jeux ont beaucoup évolué. C'est vrai que se casser la gueule, c'est un peu plus limité. Voilà, mais. Il y a moins de taches de sang, il n'y a pas de pétage dedans, et pourtant, c'est tellement classe de le faire. Voilà, c'est vrai. Ouais, parce que je l'ai fait, donc voilà. Faites-le, les enfants. Non, non, voilà. C'est un super jeu fun. Ouais, c'est clair. Moi, je le conseille à tous parce que finalement, c'est un jeu qui est abordable et encore plus abordable dans la version double avec Maiden. Oui. Bah, moins cher que la version simple. Ah, bah, moi, pour dire, je l'avais eu à 19 euros, je crois, complet. Avec le. Attends, je l'ai eu complet avec le livret et dedans, en plus, j'avais une publicité de. D'époque, ouais, des jeux Mega Drive qui sortaient à l'époque. Franchement, c'était non, franchement, pour 19 euros, je suis bien servi. Puis la boîte est encore en plus en bon, très bon état, quoi. Donc voilà, c'était mon troisième préféré, quoi. Ouais. Donc voilà, je vais passer à mon troisième jeu aussi. Alors là, j'ai besoin de me concerter avec vous parce que je vais peut-être parler d'un jeu que vous avez mis en top 1 ou top 2, je sais pas. Alors, est-ce que Yuzo Koshiro vous dit quelque chose? Non. Rien du tout. Est-ce que, alors, je vais le dire le titre en japonais, Bare Knuckle. Ah oui, d'accord, bah c'est Street of Rage alors. Ouais, pour moi, voilà, Street of Rage. Bah moi, c'est mon premier, moi. C'est mon premier, ouais. Bon, on peut parler tous ensemble à la limite. Ah, ça va, c'est pas dans mon classement. D'accord. Et non. D'accord. Bah, j'aurais pu penser parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a été tellement. Ah, c'est mythique. Oh là là, putain, c'est mythique. C'est clairement mon premier jeu Mega Drive, donc moi j'ai eu la console avec ce jeu-là. Ouais. C'est un de mes meilleurs. Alors peut-être ça a été amplifié par le fait que voilà, c'était mon premier jeu, etc. Mais, non, mais même. Mais même, voilà. J'y ai rejoué peut-être 3-4 ans après et j'ai peut-être vendu des jeux Mega Drive que j'ai acheté plus tard, mais celui-là je ne l'ai jamais revendu en fait. Je l'ai toujours gardé. Et les musiques, mais mon Dieu. Oh là là, rien que le début. Je te jure, quand j'ai joué, moi, c'est un pote qui m'avait fait découvrir ce jeu-là. En fait, avec la version, c'était la cartouche M6, enfin pas M6, la chaîne, mais la cartouche avec les 6 jeux en une cartouche, en fait. Ouais. Et il me dit, tiens, on va jouer un petit jeu de baston à deux. Et là, il me pose la musique du début. Mais j'ai dit, mais c'est énorme. Moi qui étais un fan de, bon, je sais pas si vous connaissez le groupe, d'Enigma. C'était un groupe assez phare de New Wave des années 90, avec toujours un rythme qui était très, très reconnaissable. Et au début, je croyais que c'était Enigma qui avait fait le début, parce que ça recommence exactement pareil. Ça fait toum, toum, toum, toum, toum, oui, toum, vrai, toum. Oui, voilà. C'est vrai. Et pour moi, c'était du Enigma. Je dis, c'est eux qui ont fait ça. Puis c'est pas eux. En fait, c'est que le musicien qui a fait ça, le mec, qui s'est inspiré de toutes les musiques qui se faisaient à l'époque. Mm. Et moi, ça m'a tout de suite touché. Ça m'a tout de suite emballé, quoi. Et c'est niveau musical. C'est génial. C'est génial. C'est. D'ailleurs, moi, j'ai. D'ailleurs, moi, je me suis fait un CD avec toutes les musiques de Street of Rage parce que voilà, c'est pour moi, c'est un. Une bande son exceptionnelle, quoi. Mais il y a un truc qui est génial, parce qu'au Japon, ils font souvent des CD en produits dérivés des jeux. Oui. Et récemment, bah, Yuzo Koshiro, qui a écrit la musique du premier Street of Rage, eh ben, il a refait un concert moderne récemment avec des fans du jeu dans des expos et des conventions, etc. Et il a recomposé les musiques pour des nouveaux instruments et le son, mais c'est. T'as par exemple la première chanson du premier niveau, il a fait une version qui dure 10 minutes, quoi. Et c'est des trucs, franchement, je dis pas que ça peut être supérieur à ce qui se fait aujourd'hui, mais ce que tu pouvais faire avec une Mega Drive à l'époque, mais lui, il a transcendé le genre, quoi. Je sais pas. On pouvait pas imaginer de la techno, de la house comme ça dans un jeu vidéo avec autant de notes différentes, etc. Parce que la musique tourne pas en boucle, hein. C'est non. Y a un moment donné, bon, bien sûr, si tu restes 10 ans dans le niveau, elle va tourner en boucle à un moment donné. Mais si tu veux, elle est tellement longue et tellement variée que franchement, c'est un délice pour les oreilles, pour les yeux. Voilà, ça explose de partout. Tu peux jouer à deux. Alors je sais à deux, pas, c'est génial. Il y a une version ah oui, à deux, Mega c'est CD très fun. Ou quoi, où tu peux jouer à 4 ou 3 par Non, exemple. Je crois pas. Ça existe pas, il n'y en a pas à 3. Hein. Mais tu vois, j'ai pas eu de version Mega CD et puis ni de tripleur ou de quadrupleur de manette. Donc finalement, je me suis jamais posé la question si on pouvait jouer à 3. Mais voilà, tu as 3 personnages qui sont assez emblématiques parce qu'en général, dans les jeux de baston, tu as un mec Voilà, avec qui tu as envie de jouer, un peu comme dans Final Fight où tu as, voilà, tu as Guy avec qui tu as envie de jouer, mais les deux autres, bon, tu sais pas trop Sont comment pas ils sont. terribles. Mais là, voilà, tu as une femme, tu as. T'as Voilà. Bah Blaze, justement, quel Axel. personnage? Voilà, quel était votre personnage? Pour ma part, c'était Blaze. Hein. Voilà, la femme. Ah ouais. L'experte en lambada. En lambada, ça c'est Ah, génial ça. ça m'excite, ça de suite. Voilà. Il y avait beaucoup Ah. d'Axel dans tous les jeux à l'époque, avec Axel Ouais. et Guns N' Roses, c'était à la mode. Moi, c'était Axel Stone, bien sûr, voilà. Ouh. Ouais. Et bah, comme tout le monde, hein, tout le monde prenait celui-là. Donc, mais Ah, après, il avait un charisme aussi, hein, le mec, voilà, quand il Bonanza, déboule. voilà. Ouais. Non, mais c'était, on va dire que pour le lancement de la, enfin, le lancement, le second lancement en Europe de la console, mettre ça dans le dans la setlist de départ, là, franchement, c'était génial parce que la Mega Drive avait un truc, des jeux solides, hein, pour lancer la. Bon, Altered Beast, voilà, on s'excuse pour tout le monde. C'est un jeu. Moi, je sais pas, Altered J'ai pas Beast, accroché, moi. J'ai j'ai pas jamais accroché. Ouh, c'est de la merde. Non, non, qui a Non, dit mais. ça? Qui a dit ça? Arrêtez, Ouais, s'il vous virez-le là, plaît. dehors, monsieur. Ah, il faut arrêter. Non, Non. mais c'est pour moi, enfin, c'est même trop futuriste, celui-là, moi, que Street of Rage, c'est vraiment années 90. Tu Ça sens correspondait déjà de la bien. musique, voilà, et puis vraiment l'ambiance, ça fait vraiment années 90, quoi. T'es vraiment dedans, quoi. C'est ça, t'as l'impression d'être dans un club et t'as le truc derrière toi et là t'as envie de taper. En fait, c'est comme ça te donne C'est envie ça. d'y aller, t'as envie de castagner. Donc, ouais, non, très très bon jeu. Hein, c'est. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un Street of Rage 4 ou, enfin, je sais que. Là, qui est en préparation normalement. Voilà, donc on sait pas trop non plus, mais c'est vrai que ouais, apparemment c'est en préparation et ça met. Ben, on attend de voir parce que c'est vrai qu'avec l'avancée de la technologie, est-ce que ça sera aussi fun? Parce que c'est con, Voilà. mais ce côté un peu cheap marche très bien pour Street Bien of sûr. Rage, mais un côté graphisme un peu plus poussé, plus affiné, est-ce que ça va pas le desservir? On sait jamais, hein. Une bonne surprise est toujours d'actualité. Et ce qui est amusant, c'est dans la description des personnages. Alors, je sais pas si c'est un truc, une petite blague mise dans Wikipédia pour les fans du jeu, qui a été rajoutée par Non, non, un mais c'est. fan déluré. Alors, Féru de Bonsaï pour Adam Non, non, mais c'est Driver, vrai, c'est ça, c'est hein, ce que c'est c'est. ça. Hein, l'autre, il est passionné de jeux vidéo et Blaze est experte en lambada. Ça, c'est totalement vrai, quoi. Parce que ça, c'est des, je veux dire, des skills comme ça, Féru de Bonsaï pour rentrer dans un jeu de Bah, combat. ça fait genre des doux personnages qui finalement ils sont prêts à défoncer des mecs Faut pas parce que l'énerver, quoi. Ouais, c'est n'empêche. trois flics en fait Voilà, en plus, ouais. ça tombe très bien en ce moment avec la situation, tout ça. Hein, les jaunes, hein, les flics Ouais. qui tabassent. Ben voilà, c'est Street of Rage avait déjà vu l'avenir avant. C'est ça. Ben, c'est dingue, c'est quand même ce concept, quand tu y repenses, des flics qui tabassent des mecs dans la rue, sans les arrêter, ils appellent la voiture qui balance un bazooka sur tout le monde pour les Ah là faire là. Non exploser. mais, ouais, non mais c'est surtout de se dire Parlons-en que de ça. aujourd'hui on sort un jeu comme ça va faire polémique, hein. Ça fera Alors qu'à polémique. l'époque, bah on se disait juste c'est un jeu vidéo quoi. On se posait pas la question, c'est un jeu Ouais. vidéo. Non mais C'est triste. parlons. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, termine, termine, C'est termine, excuse-moi. juste un GTA à l'envers. T'es les flics qui Voilà, c'est défoncent ça, les ouais. citoyens, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des méchants. Mais moi, parlons-en de ces flics-là. Combien de fois, dès que tu commences le jeu, sans le faire exprès, t'appuies sur C, t'as la voiture qui Ouais, arrive. tout le monde l'a Ouais, fait. Tout le monde l'a fait. tout le monde l'a fait, quoi. Mais c'est génial, mais c'est génial. C'est vraiment bien pensé, quoi, ce coup spécial. Malheureusement, tu retrouveras pas ces coups spéciaux dans le 2 et le 3 parce qu'ils ont préféré remplacer les flics avec un super coup de poing ou un truc comme ça, quoi. Et pour moi, le 1 restera le meilleur des 3. Vraiment, j'ai joué, pourtant, hein, j'ai joué au 2 et 3 dans différentes versions, dans la version japonaise où t'avais le sang, t'avais même des mecs travestis, en fait, ils l'avaient transformé en Europe en mettant des méchants normaux. Dans la version japonaise, c'est dans le Street of Rage 3. T'as des mecs habillés en bondage et trucs comme ça. T'as des mecs qui sont habillés en rose Oui, avec des mais petits shirts ouais. moulants qui s'arrêtent au niveau des pectoraux et trucs comme ça. Bon, ils avaient peur qu'en Europe ça fasse scandale, donc ils Oh. avaient préféré le faire autrement, quoi. C'est ça le problème en Europe, tout faisait scandale, alors que Voilà. non, c'est tellement fun ce genre de choses. Aujourd'hui, tu vois plus ça, et c'est dommage, hein, puisque putain. c'est amusant parce que y avait deux fins apparemment. Oui, c'est ça, ouais. J'ai fait que la fin avec un joueur, mais quand tu pouvais jouer à deux joueurs, terminer le jeu, tu pouvais choisir carrément de prendre la place du boss patron, de fin et de boss, continuer à instaurer, enfin, le mal, perdurer quoi. Le crime dans la ville en prenant la tête de la mafia. Alors je sais pas comment s'appelait cette mafia. Est-ce qu'ils avaient un nom, les bad guys ou je sais pas quoi, un truc, quelque chose. Ça devait être un nom tout basique, mais sincèrement c'était amusant finalement parce que t'avais pas forcément ce choix dans tous les jeux de combat comme Double Dragon ou tu sauvais souvent une fille. Hein, c'est ça. Nintendo. Hein, c'est... Et puis, non, c'était vraiment un jeu sympa, 8 niveaux différents, etc., c'était assez long. Alors, il y a un truc, justement, par rapport à ça, c'est que si t'avais la version cartouche, où t'avais les 6 jeux différents, avec Street of Rage dedans, il y avait un niveau en moins que la version disquette normale, enfin, la version cartouche normale, ouais. Ils avaient enlevé des niveaux, en fait, dans la version cartouche, plusieurs jeux, en fait. Ouais, j'avais entendu cette histoire, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Ben oui, parce que bon, peut-être que voilà, comme il y avait 6 jeux, il y avait peut-être besoin de faire de la place sur la cartouche, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Enfin voilà, c'est un super souvenir et puis c'est un jeu qui parle à tout le monde au niveau des c'est une référence au niveau des jeux de combat, hein, avec les Double Dragons, les Final Fight. Il fait partie des meilleurs beat'em all. Hein. De toute façon, moi c'est le jeu que je vais reprendre un peu ce que dit à chaque fois Kintos. S'il y a un jeu que tu dois sauver quand ta maison brûle, moi c'est celui-là, moi. Non mais c'est celui-là parce que franchement Street of Rage c'est vraiment le coup de cœur, le plus gros coup de cœur que j'ai eu pour un jeu vidéo, quoi, tout simplement. D'accord. C'est vrai que toi, tu l'aurais mis en position numéro 1. Ah, moi, je l'ai mis premier, Ah, tu vas devoir changer. Moi, je l'ai mis en premier parce que, voilà, c'est mon jeu préféré, quoi. Ok. Bon, on peut passer... Deuxième place, ça y est. Bon, ben là, je vais faire pleurer les chaumières parce que là, déjà, on arrive dans du classique, mais on arrive surtout sur une licence disparue qu'on aimerait bien revoir un jour, n'est-ce pas ? Miyamoto F-Zero. Voilà. Ah ouais. Voilà, F-Zero, une licence disparue, hein, avec un des personnages, Captain Falcon, qui est juste sublime, et un jeu de course, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de course que j'ai fait, très futuriste, des circuits mémorables, mais surtout des musiques. Franchement, les musiques, elles sont excellentes. Et c'est pour ça que j'en parle, mais c'est surtout parce que j'aimerais bien revoir un jour F-Zero revenir. D'ailleurs, j'étais même surpris qu'il fasse pas un jeu Captain Falcon en beat'em all. Ça collerait tellement bien avec le personnage. Je crois que c'est sorti en 90 au Japon. Nous, c'est plus tard, c'était en 92. Et entre autres, j'avais parlé de Miyamoto parce qu'il a travaillé dessus avec Kazunobu Shimizu. Voilà, deux personnes talentueuses qui nous ont offert l'un des plus grands jeux de course. Et encore aujourd'hui, quand on parle de F-Zero, c'est souvent avec énormément de tristesse. Ouais. Parce que voilà. Quelle version t'as préférée des F-Zero Ou laquelle Par rapport à toutes les consoles après qui sont sorties. Voilà, je dirais que la première version que j'ai faite, de toute façon, ça a été sur la Super Nintendo. Et pour moi, en même temps, c'est la première fois que tu joues à ce jeu, première fois que tu tombes dans cette ambiance très futuriste. Même les vaisseaux, hein, le design, tu te dis, mais tu veux ça en vrai, tu veux que les voitures volantes qui devaient arriver en 2000 ou en je sais plus combien de temps, qui ne sont jamais arrivées. Ah, je sais plus, il y avait une année, on nous a dit il y aura des voitures volantes. Ok, ben, je les attends toujours. Et j'aurais voulu qu'elles ressemblent à ces vaisseaux-là, quoi. Elles ont vraiment un design magnifique. Et surtout, c'était le moteur graphique. Hein. Alors là, je lis ça parce que je me rappelais pas. Ils ont utilisé le mode 7 qui permettait un rendu graphique représenté à l'époque. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, franchement, le jeu a mis la console en PLS au niveau des graphismes. Et putain, mais F-Zero, merde, putain, reviens, s'il te plaît. Nintendo, si vous nous entendez, hein. F-Zero. Voilà. Ils vont y remédier, à mon avis. Alors, de quelle manière, ça me fait toujours peur parce qu'en fait, le problème, quand une licence est très attendue, on va parler entre autres de Half-Life 3, hein, celui-là qui devait. Ou Metroid encore, mais encore, Half-Life, c'est le pire parce que Half-Life 3, c'est le jeu le plus attendu, mais le problème, c'est qu'il est tellement attendu qu'il est très difficile de le sortir parce que si tu le sors, tu sais qu'il va décevoir. Obligatoirement, parce que les gens attendent tellement, ça fait des années qu'ils attendent et ils attendent, c'est très difficile de le sortir. Et F-Zero, c'est un peu ce jeu-là. Il est sorti il y a tellement longtemps aujourd'hui que sortir un nouveau jeu F-Zero, qu'est-ce qu'ils vont sortir de plus? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Faut que les décors soient à la hauteur, quoi, on va dire. C'est ça. Bah, même pas que les décors, mais c'est. Alors que par exemple, Mario Kart, aujourd'hui, tu sors un nouveau Mario Kart, t'es content parce que tu sais que tu vas t'amuser. Mais F-Zero, tu sais que tu veux un truc. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Tu veux qu'il soit parfait, la musique, les graphismes, les vaisseaux, et c'est compliqué. Donc j'y crois moyen sur un nouveau F-Zero, mais j'avoue que c'est pour ça que ça, il fait partie de mes coups de cœur, parce que il fait partie de ses premiers jeux de course avec entre autres Mario Kart. Mais pour moi, F-Zero est largement au-dessus, même s'il n'y avait D'ailleurs, pas ce côté très décalé où tu pouvais balancer des pots de banane et tout. Là, c'était très sérieux, vraiment. La course, tu l'as gagnée parce que tu avais un bon pilotage et tout. Et pourtant, c'était pas facile hein, de bien piloter dans F-Zero hein, parce que les vaisseaux allaient très vite et parfois t'avais un virage qui arrivait en quelques secondes et toi t'avais pas le temps de freiner, tu te le bouffais. Enfin, je me rappelle que les premières courses que j'ai faites, oh, je crois que je gagnais jamais parce que bah, je me bouffais tous les murs systématiquement. Mais en même temps, ça me donnait envie de m'améliorer et d'essayer de battre l'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Donc ceux qui n'ont jamais joué à F-Zero, c'est un jeu aussi à découvrir. Hein. Ah, c'est un Voilà. super jeu. Ce qui me stressait, c'était les virages à angle droit. Ah, mais ça, je fonçais dans l'angle, dans la pointe du carré à chaque fois, et voilà. Parce que je voulais prendre dans l'intérieur, un peu comme en Formule 1. Et puis en fait, non, faut rien toucher. Faut Bah, vraiment pas se mouiller. c'était très difficile hein, à lire hein, les circuits, il fallait les connaître, bon, je dirais pas par cœur, mais quand même, il fallait bien les connaître pour bien anticiper les virages. Et comme les vaisseaux, mais je te dis, ils vont tellement vite, enfin, t'as l'impression de vitesse qui était plutôt bien foutu sur la console. Donc c'était très difficile de s'arrêter. C'est pour ça que ouais, non, il est très très fun à jouer, mais il est exigeant. Et ça, c'est plutôt fun comparé à Mario Kart où au final tu prends la manette, tu joues tranquille, tu peux gagner facilement. C'est pas exigeant. Alors qu'F-Zero, quand même, il demande un peu plus de doigté. Mais on peut dire que clairement, Wipeout plus tard s'est largement inspiré de ce Ah, jeu-là. mais pour moi, ils ont voulu faire un F-Zero. Ils ont réussi, hein, parce que Wipeout, c'est aussi fun, hein, finalement, ça a son délire. Mais clairement, je pense qu'ils se sont inspirés. En même temps, tellement de jeux se sont inspirés de d'autres licences, ouais, etc. Enfin, on va pas leur reprocher quoi que ce soit, Tant tant que que c'est ça marche, réussi, tant que voilà. voilà, tant que c'est réussi. Hein, on a bien vu Sonic tenter un espèce de Sonic Kart. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais voilà, donc il a réussi et non, évite. La prochaine fois, évite. Mais on Exactement. va pas encore taper sur Sonic, je le fais déjà assez. Voilà, le Parlons pauvre. d'autre chose. Oui, le Ouais. pauvre, putain. Il a mal Oh fini. Il fait de la. là. Il s'est prostitué, il a essayé, ça n'a pas C'est marché. ça. Il vend son corps, mais ça, tant que ces gars gagnent de l'argent, ils s'en branlent. Ils s'en foutent, hein. C'est Ouais. clairement. Enfin. Voilà. Ouais. Bah, très bien, Nico, vas-y, je t'en prie. Ah, bah alors moi, le deuxième, c'est un coup de cœur qui a eu du mal à prendre et finalement en fait c'est devenu ouais mon deuxième jeu vraiment préféré, c'est Moonwalker, voilà, tout simplement. Avec l'univers Michael Jackson, j'étais fan, enfin je suis toujours fan de Michael Jackson, mais à l'époque j'avais pas vu le film. Je te parle de ça, c'est quoi, 96 à peu près, Alors, le ouais, film, j'ai je crois qu'il date de 90. ouais voilà. Oui, le Et film si est tu veux, vieux. je l'avais pas vu. Je savais même pas qu'il avait fait un film. Là, c'est en 96. Je suis au collège et on me prête. Alors, j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas si ça existait vraiment. Peut-être qu'on m'a prêté à part. Mais moi, pour moi, c'était un jeu qu'on m'avait prêté avec trois jeux sur la même disquette, sur la même cartouche, Ah, pardon. t'adores les disquettes, hein? Ouais, disquette, je sais pas pourquoi. Ouais, PC. Même parce que j'étais beaucoup PC aussi à l'époque. Mais Ouais. ouais, c'était sur la même cartouche. Parce qu'il a existé aussi sur Master System des jeux avec, enfin, plusieurs jeux sur la même cartouche. Et pour moi, il y avait Moonwalker, il y avait Street of Rage et il y avait Super Soccer, je crois. Mais je dois rêver parce que j'arrive pas à retrouver dans tous les archives, sur Google, j'arrive pas à retrouver Ouais. peut-être Cette compilation, cette ouais. compilation qu'il y aurait eu. Donc peut-être que j'y avais joué autrement sur une cartouche juste avec le jeu Michael Jackson dessus. Et donc sur Master System, ben j'avais pas du tout accroché parce que les musiques, je reconnaissais un petit peu les musiques, mais c'était vraiment de la musique MIDI, hein. Tu sais, là, vraiment à l'époque c'était musique MIDI, c'était pas terrible. Et je rejoins ce que tu avais dit sur Le Roi Lion. Si tu jouais pas sur la bonne sur la bonne console, et bah peut-être que t'aurais pas vraiment aimé ce jeu-là, parce que les musiques, voilà, moi ça m'avait, moi je dis mais c'est nul. J'y avais joué, je le trouvais bien, mais la musique, j'aimais pas du tout parce que voilà, c'était pas bien retranscrit, truc comme ça, et j'avais abandonné. Et peut-être un an plus tard, je faisais pas mal de brocantes à l'époque avec mes parents, et il y avait toujours un jeu Moonwalker qui était vendu. Et à chaque fois que je passais à côté, putain, t'avais les yeux de Michael, j'avais l'impression qu'il me regardait et me disait, achète-moi, achète-moi! Sauve les enfants. Ouais, sauve les enfants. Sauve-moi. Non, et je te jure, mais à chaque fois, et je passais à côté, je me disais, mais putain, mais non, j'ai pas envie de me le prendre parce que c'était sur Mega Drive, je me disais, ça va être la même daube que sur la, enfin, daube, je sais pas si c'était vraiment une daube sur Master System, mais moi, j'ai pas du tout accroché. Et un jour, je sais pas, j'ai décidé de me le prendre. J'ai dit, bon, bah, tant pis, je tente. Et je me souviens, hein, à l'époque, j'avais dû l'avoir sans rire pour 5-6 euros, quoi. Alors, à l'époque, c'était en francs, mais là, c'était en. Je devais l'avoir eu pour 5 ou 6 euros. C'était rien, quoi. Complet. Et là, je le branche. Et là, je tombe. Enfin, donc, il envoie sa pièce dans le jukebox. Et là, je tombe vraiment sur la musique Made in Mega Drive. Et là, je dis, waouh! Et là, je retrouve. Entre-temps, j'avais vu le film. Et là, je me dis, mais ils reprennent exactement le film, les scènes du film, à part à la fin où c'est un petit peu du grand n'importe quoi, mais ils reprennent exactement les scènes du film. Les musiques sont vraiment parfaites. Et puis, bah, t'as pour tuer à la fin le boss, enfin les plusieurs boss des fois, et bah tu tournes sur toi-même. Et puis là, il fait la danse de tous ses albums qu'il a fait, de tous ses Oui, les titres. Et chorégraphies là. sont Les respectées. chorégraphies qui sont représentées exactement pareil. Mais là, gamin, j'étais sur le cul, mais c'est génial, c'est super beau. Beat It, et trucs comme ça qui sont bien retranscrits sur la Mega Drive. Je dis, mais c'est énorme ce jeu-là, quoi. Et je l'ai terminé, j'ai joué plusieurs fois, je l'ai terminé 3-4 fois, je trouve la fin, mais un peu pourrie, l'espèce de poursuite en vaisseau spatial. Dans l'espace, je trouve ça nul, mais voilà, ce jeu-là, il est. Si j'aurais pas connu Street of Rage, par exemple, j'aurais mis en premier, quoi. C'est Ouais. vraiment pour moi le. Même si t'es pas vraiment fan de Michael Jackson, je pense que c'est un jeu à avoir dans sa bibliothèque parce que il est vraiment fun comme jeu, quoi. Il est vraiment très bon, quoi. Il est vraiment très très bien fait, quoi. Ouais, c'est un très bon jeu, surtout pour les fans. Et puis, Ouais, moi, voilà. par rapport à toi, bah, j'ai connu la Master System au moment où le jeu est sorti, et Ouais. Moonwalker, bah, je l'avais eu pour mon anniversaire sur le Master System. On avait une console partagée, pareil, et le jeu, je l'ai saigné. Mais quand je te dis je l'ai saigné, c'est-à-dire que j'avais trois jeux, j'avais Italia 90, j'avais celui-là, et puis on avait un Sonic. Et bah voilà, hein, tu jouais à ce que tu pouvais, mais je sais pas, j'ai dû finir le jeu au moins 5 ou 10 fois. Ouais, voilà. Bon, après, faudrait que je le reteste sur Master System parce que, voilà, à l'époque, ça m'avait pas plu. Et puis, j'avais pas vu le film aussi. Alors, tu vois, pour moi, ça me disait pas grand-chose. Pardon. Et une fois, après avoir vu le film, et là, je suis tombé sur la Mega Drive. Je dis, ouais, d'accord. Là, ça ressemble à quelque chose, quoi. Ah, c'est vrai que la Master System avait quand même des sons. Bah, très Enfin, midi. C'était vraiment les sons, disons qu'il fallait pas le être son midi. exigeant, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Et est-ce que vous Donc, saviez que la version japonaise de la Master System avait, comment dire, une carte au son FM? Et donc les ah, sons d'accord. étaient meilleurs sur la Master System japonaise. Ouais, j'ai récemment appris ça. C'est-à-dire que vous mettiez le même jeu et le son sortait mieux. Donc voilà. C'est un peu l'arnaque pour l'Europe. Un peu comme Ah ouais. plus tard, nous, on a eu Oui. la GameCube avec un signal RGB en Europe, et au Japon, bah, ils ont des signaux RCA, tout pourrave, pour leur Ouais. GameCube. Ouais. Parfois, le monde est mal fait, on peut dire. Et d'ailleurs, Oui. Moonwalker, il est aussi sorti sur PC Engine, je crois, mais complètement différent de la Ouais. version Master System où là c'est un vu en vue en fait en diagonale en fait si tu veux Ouais. je sais pas ce qu'il peut y avoir comme comparaison sur un jeu Il y a en une version diagonale comme arcade en ça. diagonale, est-ce que c'est Bah la voilà, c'est même? une version arcade qui est sortie aussi sur PC Engine si je dis pas de bêtises. Et là bah vraiment t'as le son presque parfait, c'est un bijou, mais je trouve beaucoup plus difficile. Et bien moins fun parce que là c'est t'es touché une fois tu meurs en fait si tu veux Ouais. que sur la Mega Drive bon faut qu'on te touche plusieurs fois pour que tu puisses mourir Mais non, franchement, ce jeu-là, c'est vraiment une vraie réussite. Et pour ceux qui sont pas vraiment fans, je pense qu'ils peuvent y trouver leur compte sur ce jeu-là, quoi. Parce que c'est différent des autres, parce que voilà, au lieu que t'es un dans Street of Rage, bah quand t'es dans la merde, t'appelles les flics, ils arrivent, ou t'as un super coup de poing. Là, c'est de la danse. C'est complètement différent de ce que tu peux voir ailleurs. C'est complètement ridicule de faire mourir les gens en dansant, mais tu peux juste mourir de honte, c'est tout. Mais là, non, non, c'est complètement différent de Beat'em All, d'autres jeux. Mais franchement, j'ai adoré, quoi. Ben c'est vrai que à l'époque, Michael Jackson, il avait dans l'idée de surtout blesser personne, d'arrêter les méchants Ouais. en On regarde avec les voilà. zombies, hein. Il dansait avec eux, hein, Ouais, avec voilà, c'est amour. ça. Hein, on ne touche pas aux Et zombies. bon, C'est ça. après, c'est marrant quand même, hein, parce qu'il y a. Bon, après, on va pas polémiquer ou quoi, mais quand même, t'as plein de signaux dans ce jeu quand même qui montrent que voilà, il y a des Michael. choses bizarres Non, quand même. mais non, mais parce que déjà à l'époque, il y avait quelques polémiques, ils ont poussé vite. Après, je m'en fous, que ce soit vrai ou non, moi j'en ai rien à foutre. Mais L'artiste reste l'artiste, il a d'ailleurs, offert des musiques, voilà, voilà. c'est exceptionnel. Mais d'ailleurs, ce jeu-là, moi je l'ai connu, bah, c'était en pleine polémique de son première accusation de viol sur mineur. J'en avais même honte d'être fan de Michael Jackson parce que je voyais qu'à la télé tout le monde se déchaînait, s'acharnait sur lui. Alors j'osais pas trop dire que j'aimais que j'aimais ce jeu-là et que j'aimais aussi Michael Jackson. Mais c'est bien plus tard, je me suis rendu compte que beaucoup, d'ailleurs au lycée, j'avais un pote qui était exactement comme moi, qui avait adoré ce jeu-là et qui était un fan de Michael Jackson. Je suis pas un fan inconditionnel. Mais Oui, mais tu j'adore ce qu'il apprécies. fait, quoi. Voilà, Ouais. j'apprécie énormément ce qu'il fait, quoi. Et le premier titre, Smooth Criminal, que tu retrouves dans le tout premier niveau du jeu, pour moi, c'est un des meilleurs qu'ait fait Michael Jackson. Enfin, c'est un de mes préférés. Et voilà, dès que j'écoute ça, je repense tout de suite au jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis même Another Part of Me qui est dans le niveau des zombies là, qui est génial, hein. Et ils ont pas pu mettre Thriller, je sais pas pour quelle raison. Peut-être après c'était par rapport à la promotion de l'album Bad de l'époque qui est sorti en même temps, donc. Enfin, un peu plus tard, un peu plus tôt que le jeu, mais Si tu l'as, mais vraiment succinctement, quand tu fais justement oui, ton coup entre de les niveaux grâce là, contre ouais, ton pas de ton coup danse de grâce, réactive en fait, voilà, ouais. juste ça. Mais par contre, t'as Beat It aussi au niveau des et tu retrouves bien les loups-bars, tu retrouves bien les Oui, loups-bars qui sont dans la oui, rue, les années voilà, enfin. 60, En fait, ouais, c'est comme si tu ouais. vivais dans tous ces clips, si on peut Voilà, c'est dire. ça, C'est un jeu exactement. qui. Mais c'est, tu vois, ce qui fait plaisir avec cette époque-là, c'est quand il y avait des polémiques, les jeux venaient pas à disparaître. Or, aujourd'hui, on sait par exemple, il y a un jeu de Sega, je me rappelle plus du nom, avec un acteur qui a été arrêté pour parce qu'il a, eh ben, il a pris de la drogue, il s'est fait arrêter. Sega, il a dit, bah, vous voyez, le jeu, on le sort pas. Allez, dégagez. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. d'une tristesse, voilà, c'est dommage. Et c'est pour ça que ça fait plaisir quand même de se dire que ce jeu a quand même survécu, même Ah après ouais. des polémiques, alors que pourtant, ça reste des polémiques graves. Hein. Je suis pas en train de dire que d'atténuer tout ça, mais et pourtant, le jeu est sorti et ça a permis à des joueurs de s'amuser avec de la très très bonne musique, parce que moi aussi j'ai connu Michael Jackson, alors moi j'étais encore plus jeune que toi, et quand je l'ai connu j'étais tellement fan de sa dégaine, de ses musiques, je me rappelle je dansais devant ma télé en faisant hi-hi, en faisant exactement le même geste, et ah ben voilà, ça rappelle de très bons souvenirs, c'est un excellent jeu, donc voilà, pour ceux qui sont amateurs de musique en plus, bah ça permet aussi de découvrir des musiques que vous ne connaissez pas forcément. Ouais, puis c'est un beat'em all qui est complètement différent Voilà, des c'est ça. autres, quoi. Voilà, quoi. C'est un beat'em all qui est très très bon. Et puis voilà. Non, mais franchement, je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans ce jeu-là, que ce soit les fans et les non-fans, quoi. C'est amusant que Disney se soit pas emparé de la licence pour créer le jeu parce que c'est exactement le type de jeu que Disney aurait pu faire. Il n'y a pas de Ouais, mais violence. Disney, déjà, alors encore aujourd'hui, on le sait, à la moindre polémique, au moindre truc, le Voilà, truc les n'a barres, ouais. jamais existé. Donc C'est sûr. heureusement qu'ils s'emparent pas de tout, parce qu'aujourd'hui, c'est Disney très. C'est, en fait, Disney, c'est bien, comme c'est très dangereux pour les licences qui est récupérée par Disney. Hein, donc heureusement qu'ils n'ont rien racheté à cette époque-là. Mais bon. Après, c'est un jeu qui est vraiment sorti quand même 2 ans avant la première polémique, mais Oui, mais bon, il était tu sais. toujours en vente, je pense aussi, comme tu dis. Donc, Ah bah il était toujours en vente de Ah toute façon, oui. ça c'est sûr, et beaucoup beaucoup en brocante. Et je me demande à l'époque justement si les gens revendaient pas ce jeu-là parce qu'on était en plein cœur de la polémique. Et à l'époque il était vraiment pas cher. Là maintenant tu le trouves, tu peux aller jusqu'à 70 € pour l'avoir vraiment complet, peut-être un peu moins certaines fois, mais non. Mais à l'époque je pense que moi j'ai réussi à profiter de ce coup médiatique là pour l'avoir pas cher. Et je te dis, hein, à chaque fois que je passe à côté, mais je voyais ses yeux là qui me fixaient. Non, mais ça fait peur quand tu dis ça. Ça bah, fait très peur. La polémique lui, revient. On me dit voilà, dans l'oreillette, ça. La polémique revient. Attention. Non, le documentaire repasse tout à l'heure. On vous le passe maintenant. Allez, c'est parti. Ah, mais il y a tellement de trucs qui sont vachement bien dans ce jeu-là. T'as son singe qui fait l'apparition juste avant d'arriver au boss. Et il y a un truc aussi, c'est que tu sais, t'as le méchant qui dit you never catch me. Never catch me. Bah, si tu fonces dans le bonhomme, en fait, tu perds toute ta vie, en fait. Oui. Bon, c'est un truc à la con, mais c'est assez marrant aussi. Et non, franchement, ouais, c'est. J'aurais pu le mettre premier, mais voilà, Street of Rage m'a beaucoup plus donné des mois que Moonwalker. Mais bon, ça se. Oui, voilà. C'est des goûts. Hein. Voilà, c'est fallait ça. Faire un choix aussi. Voilà, façon, fallait faire un choix, voilà, mais bon. Ouais. C'est un ennemi alors. Un ennemi, quoi. Voilà. Ex-aequo. Voilà. Un ex-aequo. Presque ex-aequo, ouais. J'ai eu du mal à les classer parce que finalement, voilà, quoi. Comme j'ai dit, je pouvais en mettre 10 qui pouvaient être numéro 2 ou 3 en même temps. Donc. Et donc ouais, pour passer à mon jeu, bah c'était l'Empire Contre-Attaque sur Super Nintendo de JVC LucasArts. Alors est-ce que vous avez pu jouer à ce jeu-là vous de votre côté ou pas? Ouais, moi tous les Star Wars j'ai essayé de me les faire parce que je suis un gros fan de la licence. Ouais. Malheureusement, on sait que tous les jeux Star Wars là aussi n'ont pas toujours été parfaits, mais étrangement c'est une des licences qui a sorti des très bons jeux hein, quand même hein, pendant des années, entre autres les épisodes sur GameCube. Mais c'est vrai que l'épisode sur Super Nintendo, t'avais l'impression d'être dans Star Wars quoi. Et juste ça, c'est. Et on parle souvent des musiques, hein, et depuis qu'on a commencé l'émission, et là encore une fois, bah, je pense que tu mets le jeu sans les musiques, tu pètes un câble, parce que le jeu est tellement dur que bah, les jeux, y a un niveau d'exigence, mais c'est au niveau normal, le niveau de la grotte au deuxième niveau dans les sur Hoth, la planète Hoth, quand tu dois justement sortir de la cache du Wampa. Il y a des wampas partout, tu dois sauter de plateforme en plateforme, ça glisse, etc. Il y a du gel, il y a de la neige, enfin, c'est hyper compliqué. Et le jeu est long aussi, mais quand t'es fan de l'univers Star Wars, comme tu dis, c'est un jeu, tu peux pas passer à côté de ce jeu-là, parce que niveau action, plateforme, bah, c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur des trois qui sont sortis sur Super NES. Là il y a eu une rupture je trouve avec les jeux d'époque. Pour moi ce jeu il avait créé une petite révolution par rapport à la qualité du jeu de plateforme sur Super Nintendo, c'est à dire que t'avais des Mario et au niveau action bon t'avais des trucs bien mais t'avais du Probotector, bon ça c'est indiscutable, mais dans le genre adaptation de film etc, l'Empire Contre-Attaque niveau qualité mais c'était exceptionnel. Alors moi personnellement j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué le portefeuille pour l'avoir avec l'aide de mes parents, c'est-à-dire que j'ai dû revendre deux jeux Mega Drive de l'époque et rajouter de l'argent pour l'acheter en import. J'étais parti très loin là. Et, putain, oui. Je l'avais chopé. Bah, faut dire qu'aussi les jeux au Japon sortaient un peu en avance par rapport à l'Europe. Alors là, sur Wikipédia, ils nous mettent février 94 pour la version européenne. Mais moi, je me souviens, la version japonaise, je me souviens l'avoir eu au mois d'octobre ou au mois de novembre. Là, ils mettent quand même décembre, alors je suis pas certain. C'est-à-dire que j'étais allé dans un... je sais pas si vous avez connu ça, les Score Games à l'époque, ouais. Où justement, tu avais des jeux en import par rapport aux Micromania qui vendaient que des versions européennes. Et j'avais été sur Paris me chercher ça et c'est une claque visuelle, une claque sonore. Il y avait un grand pas qui avait été fait par rapport au premier Super Star Wars. Les sprites étaient plus gros, t'avais plusieurs personnages avec qui tu pouvais jouer suivant les niveaux. T'avais toutes les phases du film plus d'autres phases qui avaient été inventées pour le jeu. Et pour finir, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais mis un niveau assez difficile. Bah, le jeu de base, il est pas simple, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs à s'arracher la tête. Bah, c'était aussi ces jeux-là qui sortaient très difficiles. Enfin, on s'en rend pas compte aujourd'hui. On se dit que bon, les jeux deviennent de plus en plus simples, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait une certaine exigence parce que bon, bah, les jeux étaient codés d'une certaine manière. Et c'est vrai que ce jeu-là, entre autres, fait partie des jeux assez difficile malheureusement, ce qui fait que parfois certains joueurs qui s'amusaient rien qu'avec la musique et tout l'ambiance n'arrivaient même pas à faire par exemple le premier niveau parce que c'était tellement exigeant qu'au bout d'un moment tu disais bon, j'en ai plein le cul quoi, ça me saoule et c'est dommage parce que bon bah c'est l'univers Star Wars quand même quelque part. Et puis tu incarnes Luke dans ce jeu qui fait son apprentissage de la Force. Donc tu vas rencontrer Yoda sur Dagobah, t'apprends des pouvoirs, tu vas rencontrer Dark Vador à un moment aussi un peu plus tard où il va te couper la main, etc. Il y a tout qui est refait comme dans le film. Mais Dagobah c'est juste un plaisir pour les oreilles niveau sonore. Je sais pas si t'en souviens. Ah si si, il y a de très Ah bah de toute façon la console produisait des très bons sons et ils savaient l'exploiter je pense au maximum ou en tout cas le plus possible et c'est vrai qu'à chaque fois que t'entendais un son qui fait penser à Star Wars t'étais dans le film en fait t'étais là mais c'est moi en fait je suis Luke et tout et c'est ça qui est génial. Alors quand on sait que les premiers Star Wars, enfin, je sais qu'il y avait un jeu Star Wars, je me rappelle pas de son nom, c'était juste un écran noir, t'avais un viseur et tu tirais sur tout ce qui bouge, c'était des t'avais l'impression de voir des arcs-en-ciel de couleurs, ça explosait, c'était mais tu t'en foutais parce que t'étais dans Star Wars, mais bon, on va dire que quand même c'était un peu space. Hein ouais, je me souviens bien de ce jeu. Je me rappelle pas de son nom par contre, hein, là, ouais, désolé. Star Wars. Ouais, Star Wars tout court, hein, je crois. Hein, ouais. Ouais, en tout cas il fait partie des premiers, hein, celui-là que je vous dis là, c'était. Ah, t'attaquais l'étoile noire, tu rentrais dans le tunnel. Voilà. C'était comme un, ben voilà, c'était un rail shooter en fait. Hein. Toi, ouais. Tu bougeais pas, t'avais des trucs et toi, tu tirais partout. Hein. Mais bon. Voilà. Ah, c'était le. Je me souviens en arcade l'avoir vu, j'y ai pas joué, mais t'avais des gens qui s'asseyaient sur le fauteuil qui bougeaient dans tous les sens, un peu comme Afterburner là. Et c'était ça l'intérêt finalement, parce que ce qui se passait à l'écran, c'était pas du tout impressionnant. Mais voilà, ils ont refait des bases de shoot aussi avec des vaisseaux dans l'Empire Contre-Attaque. Ils les ont triplés par rapport au premier Star Wars sur Super NES. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait sur Super NES un jeu tous les ans pratiquement. Malheureusement, je trouve le Retour de Jedi a été vraiment bâclé. Ils ont pas réussi à le terminer. Ils avaient raconté un peu plus tard par rapport à la sortie prévue du jeu. Ils avaient une date butoir et... dès que t'arrives au niveau des Ewoks, ça part en couille complet dans Retour de Jedi. Surtout le niveau de fin, alors c'était une catastrophe où tu attaquais l'étoile noire dans le tunnel, etc. La nouvelle étoile noire, là, de la mort, je sais plus comment ils l'avaient appelée, d'ailleurs. Mais l'Empire Contre-Attaque, du début à la fin, le jeu est propre. Il est nickel, il est bien fini. La difficulté, vraiment, on en a parlé, c'est un peu compliqué. Surtout pour les jeunes joueurs. Il y a des voix digitalisées de Dark Vador, de Yoda. Même quand il y a Game Over, t'es content. Je sais pas, t'es si content parce que tu vas entendre Yoda qui va te parler. Tu vois. Non, mais c'est tout con parce que soit t'avais les jeux PC, voilà, qui ressemblaient pas à grand chose, ou tu avais une Super NES et t'avais des super jeux Star Wars. C'était la seule console qui produisait les meilleurs jeux pour Star Wars. Donc, voilà. Non, mais tu vois, moi je suis pas vraiment un fan de Star Wars. J'ai vu tous les. Je quitte cette émission. Non, mais je suis désolé. Non, j'ai jamais réussi à accrocher. Je les ai tous vus, mais j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Mais tu vois, là, je vois les graphismes, rien que les images, je me dis, mais c'est vachement bien fait, quoi. C'est super beau, quoi. Et ça me donne presque envie de tester, parce que. Et en fait, ça s'appelle Super Star Wars. En fait, c'est ça, l'Empire Contre-Attaque, non? Voilà, c'est un nom complet, un nom joueur. Pourquoi ouais, Super Star Wars parce que c'est une Super NES, ouais voilà. Il y avait souvent Super hein, comme Super Mario Kart alors qu'en fait c'est Mario Kart mais c'est super. Voilà c'est ça. Ouais. Non franchement ça donne envie d'y jouer parce que c'est très beau quoi, c'est vraiment chapeau quoi. Après faut adhérer, hein. C'est comme si moi je vais jouer à Game of Thrones sur une autre console Le Seigneur des Anneaux j'ai confondu. Ouais voilà ouais. Pour les fans. Sinon, comme je suis pas spécialement fan du Seigneur des Anneaux, même si on me dit ouais il est super beau, je vais y jouer, je vais faire ouais c'est bien, mais je vais pas y jouer plus que ça en fait. Oui voilà ouais bah c'est ça. Donc après tu peux tester, hein, y a pas de souci. Ah bah oui ça y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais j'avais quand même testé un jeu de Star Wars. Bon moi j'ai celui sur la NES là, le tout premier, mais j'avais testé celui-là là, l'Empire Contre-Attaque sur Game Boy. D'accord. Voilà, donc j'en dis pas plus. Hein, c'est la même version que la NES sans couleur. Ouais, presque, ouais. Non, bah, c'était inintéressant parce que c'était pas beau. C'était le son et Ah c'était oui, un sur Game Boy en plus. bouilli de son. Ouais, c'est ça. C'était bizarre. Tu savais pas d'où ça venait. Enfin, voilà. Donc, non, mais là, je serais très curieux de tester cette version-là parce que Tu peux utiliser le ça code m'a l'air. pour aller Ouais. directement au niveau que tu veux. D'accord. Ouais. Ouais, non. Enfin, là, je vais essayer du début quand même parce que non, ça a l'air d'être pas mal. Franchement, tu m'as convaincu de tester. Pourtant, voilà, je suis pas vraiment un fan de cette série de. Enfin, c'est pas une série, mais bon, c'est même plus une trilogie, hein. C'est Saga. une saga, Ah, c'est une voilà, ouais. saga, ouais. Ouais, clairement. Donc voilà. Non, ça a l'air c'est très beau, quoi. Ah ouais. Très bon Bah, jeu pour pour les fans de terminer. Star Wars. Ouais, vas-y, Guy. Pour terminer avec Star Wars, les meilleurs jeux que je vous conseille, alors c'est pas sur 16 bits malheureusement, c'est sur GameCube, c'est Rogue Squadron et Rebel Strike. Si vous aimez les jeux de shoot dans l'espace avec des vaisseaux, c'est les meilleurs jeux. Franchement, il y a un travail qui a été fait, que ça soit sur l'ambiance sonore, vous pouvez aller dans des X-Wing, des TIE Fighters, enfin, bref, c'est juste les meilleurs jeux qui sont sortis au niveau Star Wars. Vraiment, on n'a pas fait mieux et je vous dis, les combats sont titanesques. Et si vous aimez, en tout cas, cette ambiance et cet univers, foncez-y. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Merci. Il y en a un qui est sorti aussi sur 64, je l'ai aussi, mais je Voilà, l'ai pas testé j'y ai celui-là. joué, il est pas terrible, hein, Ouais, le franchement. Squadron, bah après Ouais. c'était 64 aussi, c'était très particulier, hein. Donc C'est ça. Bon, bon, bah, on bah arrive au c'est un premier, sujet, alors. voilà, notre Ça y est, c'est copain. le Du premier. coup, Nico, Ça y t'auras est. changé ou pas, toi? Bah, non, de toute façon, je peux pas changer parce que pour moi, voilà, c'est Street of Rage le premier, il n'y a pas d'autre. C'est pas grave, hein, j'aurais pas D'accord. de premier. Moi, je m'en fous, j'en ai un, moi. Voilà, Voilà. parce que moi j'ai à chaque fois j'ai modifié ma liste au cas où et donc mon premier alors là c'est un véritable coup de cœur donc c'est Donkey Kong Country par le studio Rare. Alors pour ceux qui savent, ils ont été rachetés par Microtrol puisque ils ont forcé entre autres à faire Sea of Thieves, hein, ce jeu bon qui est très bien mais qui est vide. Et bien à l'époque ils ont fait Donkey Kong Country, donc il y a eu 3 épisodes sur Super Nintendo, donc c'est un jeu de plateforme avec Donkey Kong et bien sûr Diddy Kong entre autres. Et ce jeu est juste une tuerie. Je l'ai fait quand j'étais petit. Je l'ai fait à 100%. Enfin, les 3 épisodes. Je l'ai fait, je pense à, ouais, presque par cœur parfois. Par contre, c'est des jeux très exigeants. Alors, quand on dit exigeant, c'est que comme c'était des jeux de plateforme, il fallait sauter au bon moment. Les ennemis one shot. Donc, on n'avait que 2 vies si on avait Donkey Kong et Diddy. Mais si on avait que Donkey ou Diddy, ben, on n'avait qu'une seule vie. Donc, on pouvait mourir. Il y avait des passages qui ont traumatisé bon nombre de personnes. Entre autres, les wagons dans les mines, qui étaient très difficiles. C'était quasiment du par cœur. D'ailleurs, des jeux qui ont été un petit peu copiés avec entre autres Crash Bandicoot, qui est aussi Ouais. très bon, hein, mais en tout cas, le premier, c'est Donkey Kong Country. Et là, on sent que Rare a vraiment sorti du très très lourd, juste l'ambiance sonore, visuelle. Il y avait des trésors, il y avait des cachettes. À un moment, il fallait prendre des barils pour faire péter un mur. Que sur le moment, pour toi, le mur, il est exactement comme les mêmes. Mais si tu balances ton baril là, tu vas débloquer une salle secrète avec des trésors. Tu pouvais aussi monter sur des animaux. Comme je crois il y avait une autruche, il y avait un Rhinocéros, rhinocéros, ouais. un espadon. Enfin voilà, c'est des jeux qui sont très difficiles en soi. Ils font partie des jeux assez hardcore pour l'époque. Mais c'est un véritable coup de cœur. Le mettre en premier, c'était facile d'une certaine manière, même si j'aurais pu mettre Zelda ou d'autres jeux. Mais ouais, pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur et je. Graphiquement, c'est très joli, quoi. Ah Enfin, mais c'est. encore aujourd'hui, Ouais. hein, c'est comme le Ah Roi ouais. Lion, il fait partie de ces jeux, ils ne vieillissent pas. Mais alors la bande sonore, les musiques qu'ils ont créées spécialement, mais elles sont mémorables et ça fait plaisir de voir ce genre de jeu encore aujourd'hui parce qu'on sait que Donkey Kong Country a encore duré avec le temps. Il y a un épisode qui est sorti sur Wii U, si je ne m'abuse, Tropical Freeze, qui était une adaptation, je crois, de la version Wii, enfin je me rappelle plus trop, mais qui garde ce cachet d'avoir un côté nostalgique avec toujours de la difficulté, même si bon, ils ont essayé d'un peu simplifier avec un mode facile. Avec 3 cœurs et tout, mais là, voilà, ça rappelle le bon vieux temps. C'est redépoussiérer ce jeu, c'est toujours un plaisir. Et moi, je vous conseille de le faire et de faire en tout cas la licence. Alors, même si le 2 et le 3 sont un peu moins bien, c'est vrai que le premier a une patte, une esthétique aujourd'hui qui est unique. Voilà. Ah, mais c'est vrai que la Switch récemment a sorti, comme tu dis, la dernière version, et c'est une licence qui marche bien, hein, parce que je pense qu'il l'aura abandonné si ça avait été mal reçu à un moment donné par les joueurs. Finalement, ce concept-là, tu sais, de lancer des caisses, casser des murs, sauter sur des animaux, bah, c'est vieux comme le monde, hein, mais c'est fun, il n'y a pas de violence, c'est du Disney tout craché qui a été repris par Rare et Nintendo. Et c'est quelque chose qui marche pour les jeunes, pour les adultes. Bah, surtout des jeux en scrolling horizontal, aujourd'hui c'est pas commun, quoi, parce que tu t'aimes bien les jeux en monde ouvert, en 3D total, où tu peux te déplacer où tu veux, alors que là c'est un vieux scrolling, enfin c'est un vieux, quand je dis vieux, c'est façon de parler, mais ça rappelle vraiment le bon vieux temps, alors que les jeunes pourraient se dire, oula, en plus Donkey Kong, tout ça, c'est vrai que bon, Nintendo, ça fait toujours penser à l'enfance, ce qui ne plaît pas toujours maintenant aujourd'hui, et pourtant c'est des jeux qui sont exigeants, et pour ceux qui aiment la difficulté, mais c'est aussi c'est ça qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, c'est pour la difficulté, et aujourd'hui j'essaye de me lancer des défis personnellement sur certains jeux, de pousser toujours le jeu dans ses retranchements, parce qu'un jeu trop facile c'est chiant, alors que là Donkey Kong, ben c'est millimétré, c'est bien calculé, l'ennemi va apparaître à tel moment, mais il y a moyen de l'esquiver, de sauter, mais si vous allez trop rapidement ou si vous sautez pas au bon moment, mais vous allez vous louper, et le jeu ne pardonne pas les erreurs, et c'est ça qui fait plaisir. Et aujourd'hui c'est un petit peu abandonné, c'est vrai, on dit que les jeux sont devenus de plus en plus faciles, ben c'est pour ça, si vous voulez un petit peu vous amuser dans la difficulté de manière simpliste, c'est un jeu, t'as deux touches, rien de plus compliqué, ou trois, ben franchement c'est pour moi un très très bon départ, quoi. Ah, tout à fait. D'accord. Nico, toi tu as joué à ce jeu-là? Ouais, Donkey Kong, alors ouais, c'était à l'époque où j'avais prêté, enfin c'était échangé nos consoles pour l'histoire de 2 semaines de vacances, avec un copain, et c'est vrai que ce jeu-là m'avait vraiment plu, parce que voilà, niveau graphisme, niveau jouabilité, alors c'est vrai qu'il était pas facile à certains moments, mais bon, je suis pas allé jusqu'au bout, hein, parce que voilà, 2 semaines c'est relativement court, surtout quand il y a plusieurs jeux à tester. Mais celui-là, ouais, c'est vrai que j'y avais pas mal joué, ça, il m'avait plu, hein. Franchement, l'univers Donkey Kong, c'est un univers que j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'avais tellement bien aimé que je me souviens, sur la 2, le samedi, le matin, t'avais justement des dessins animés. C'était présenté par Donkey Kong avec des fausses pubs et trucs comme ça, qui étaient assez marrantes pour l'époque. Non, franchement, l'univers était assez intéressant. Et c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu après avec Crash Bandicoot dans l'univers Donkey Kong. Il y avait des similitudes. Ah oui. Mais j'ai jamais eu l'occasion de rejouer au nouveau Donkey Kong qui est sorti sur les autres consoles. Pour moi, je pense que j'aurais peut-être un peu moins l'œil qui pétille que l'ancien Donkey Kong qu'il y avait sur Super NES, quoi. Oh, c'est voilà. Sûr. Non, mais ils sont aussi bien les nouveaux, mais aujourd'hui c'est plus l'aspect visuel où t'as des zooms sur plusieurs plans quand tu joues qui sont vraiment intéressants. Mais le gameplay, t'auras aucune surprise que t'as eu à l'époque, si tu veux. Tu sais, la petite phase là où t'es dans la mine avec le petit chariot à la Indiana Jones, tu vas à fond, faut sauter au bon endroit, etc. La phase où t'es dans la nuit, tu t'éclaires des endroits pour savoir où tu vas, etc. Ouais, après t'avais des phases aussi avec les barils, aussi tu devais sauter au bon moment parce que t'avais une guêpe qui montait, qui descendait, mais le problème c'est que le baril il tournait, donc si tu le sautais au mauvais endroit, bah tu retombais dans le vide et tu recommençais. Mais enfin, moi je sais que c'est un jeu qui m'a fait énormément criser, mais qui m'a fait apprendre aussi à être patient, et c'est les fameux jeux try and die, quoi. C'est que au bout d'un moment, bah tu sais comment passer l'obstacle, parce que t'y es tellement fait que ça devient un automatisme, quoi. C'est ça. Vous voyez, il y avait des jeux comme Écolo Dauphin là, sur Mega Drive. Oh là là. Et je repense à la séquence sous l'eau quand tu es dans Donkey Kong. Mais voilà, ils ont réussi à faire un jeu fun avec Donkey Kong, mais Écolo Dauphin, mais t'as envie de prendre la cartouche et de la brûler, quoi. C'est pas possible. Bah, il y a des jeux comme ça qui bah, tu sais, comme les Tortues Ninja, le jeu sur NES, quand tu vois le passage sous l'eau, encore une fois, décidément, les passages sous l'eau sont. Voilà, c'est injouable, tu te fais toucher au moindre truc. Et c'est ça le problème, moi c'est ça, c'est pour des enfants, et tu te dis quand même, les développeurs ils sont pas cons, même si je sais que avec la technologie c'était peut-être compliqué, mais je veux dire, par exemple, l'algue qui doit te toucher, tu l'as fait un peu plus courte, t'es pas obligé de la faire trop grande, alors que là tu dois passer entre deux grandes machins, t'es obligé de te faire toucher. À un moment, il faut pas être con, donc parfois les développeurs ils faisaient un peu n'importe quoi, qu'ils le veuillent ou non. Mais voilà, c'est pour ça que Donkey Kong Country fait partie de ces jeux qui ont été équilibrés. Tu sens que vraiment ils ont été travaillés, ils ont fait attention que chaque ennemi spawn à un bon endroit, qu'ils puissent vous laisser le temps de réagir, parce que sinon ça serait trop frustrant et le jeu tu le termines jamais, et ça n'a aucun sens. Le but d'un jeu, c'est de l'acheter, de jouer, de t'amuser, même si tu meurs beaucoup, ok, mais au moins que tu puisses avancer. Alors si t'avances pas, un jeu n'est pas fun, et au bout d'un moment tu l'oublies, tu l'as jamais fini, quoi. Et il y a plein de jeux comme ça, il y a des jeux tu les as joués une fois, t'as regardé, t'as fait ok, au revoir, et c'est dommage, hein. c'est ça. Dommage. Ouais. Mais au moins, Donkey Kong ne sera pas tombé dans le flou comme Sonic qui a terminé en loup-garou, Bah non, mais j'en reviens à cet épisode-là. Ah ouais, parce que sur la Wii, mon cousin m'a dit « Ouais, j'ai acheté un super jeu Sonic, tu vas voir. » Et là, au moment, le truc, il se transforme en loup-garou. J'ai dit « Il est où, Sonic, le vrai que j'aimais ? Hein, il est où ?» Bah non, là, c'est une prostituée, là, bizarre. Mais parce que Sega, en fait, ils ont voulu tellement copier ce qu'avait fait Mario, parce que Mario faisait des trucs qui marchaient, sauf qu'ils n'ont pas compris que, avec, par exemple, Mario le plombier, le personnage fait que tu peux créer un monde en 3D et tout, ça va fonctionner. Or, Sonic, c'est un personnage qui doit aller vite. Voilà. Donc, un personnage en 3D, tout de suite, c'est compliqué à créer forcément un univers qui va tourner autour. Et à chaque fois, ils se sont plantés. Parce que, ils font que copier au lieu d'essayer de faire ce qu'ils savaient faire à la base et de le faire bien et maîtriser. Et ça aurait quand même fonctionné. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un Sonic, un bon Sonic, pas un Sonic en 3D qui fait du kart, qui se transforme en loup-garou. On s'en branle de ça. Qui lance des javelots, qui fait du ski. Bientôt, il va faire le trottoir et puis voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout. Y a bien eu le joueur du grenier qui avait fait la vidéo où justement Sonic, il demande comment draguer je sais pas qui là, et puis à un moment c'est toi qui essaye d'embrasser quoi. Enfin c'est. Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah mais ça c'est Sega, ils ont toujours fait et c'est dommage hein, parce que voilà c'est la preuve que Sega avait du talent, ils avaient tout pour eux. La preuve leur Dreamcast est une des consoles, on est d'accord, unique en son genre et l'une des meilleures, mais qui s'est cassé la gueule parce que Sega fait n'importe quoi avec ses licences. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Sonic. Oui. La première place pour toi, Nico. Moi, je passe mon tour parce que du coup, c'est. Reste sur ça alors. Non, mais de toute façon, j'ai que ça. Et non, j'ai pas de Joker, franchement. Non, je te jure. Moi, c'est Street of Rage. C'est vraiment le jeu qui me plaît le plus. D'ailleurs, je vous invite sur YouTube à taper. Alors, ça s'appelle Sandfort. Alors, S-Y. NT et le chiffre 5, et les mecs ils reprennent le musique de début de Street of Rage tout au synthé, ils doivent être 3, et franchement ils l'ont un petit peu amélioré, et franchement mais c'est un régal auditif quoi. Voilà, donc non, je ne changerai pas de jeu, je reste à mon Street of Rage pour le premier, donc voilà, à toi Gabi. Je vois pas d'autres. En même temps, c'est un coup de cœur aussi quelque part. Voilà, le changer, c'est un peu dire le renier quelque part. C'est ça exactement. Donc non, j'ai pas d'autres. Au moins t'es fidèle à tes idées et puis. Au moins sur Mega Drive quoi. Sur Mega Drive quoi. Non, j'ai pas autre chose non. On va passer à mon. Alors pareil, cette émission, on l'a passée dans l'esprit du fun qu'on a ressenti à jouer à un jeu. Donc je vais rester dans cet esprit là. J'aurais pu choisir aussi un Donkey Kong parce que franchement j'ai adoré ce jeu là. Je l'ai pas choisi parce que je me suis dit tiens il y a peut-être quelqu'un qui va le prendre donc finalement on va. Il y a encore un con qui va le prendre. Non, pas du tout. J'ai entendu con quoi, qu'est-ce que j'entends mal des fois. Ça grésille. Au moins, on peut parler de jeux différents dans le top 1. Clairement. Après, c'est difficile de faire un top 16 bits parce que, comme on avait dit avec Gabi au début avant de lancer l'émission, des jeux qui nous parlent, très souvent, on cite beaucoup de jeux de Nintendo parce qu'ils ont marqué, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux, que ça soit sur Mega Drive, tout ça, mais étrangement, ceux qui nous parlent, c'est ceux-là, et c'est pour ça qu'on ressort très souvent un Zelda, un Mario, un Donkey Kong, un Metroid, on aurait pu sortir Super Metroid, qui est un excellent jeu, Castlevania, il y a tellement de jeux. Mais enfin bon, c'est quoi ton numéro 1? On veut savoir. Dis-moi tout. J'ai adoré l'éditeur Konami sur plusieurs, pour plusieurs jeux. Il y a eu Axolay, il y a eu les International Superstar Soccer, il y en a d'autres que j'ai sûrement oublié, enfin ils étaient très Super Bowl, très super super compagnie franchement. Konami c'est comme Sega, ça a mal tourné. Ils sont prostitués en jeu Android à télécharger. Ils ont des licences en or quoi, même Silent Hill tout le monde l'en voulait et eux ils ont fait quoi, chier dessus. Mais oui, ils avaient des trucs de fou, mais putain de Konami. Et donc pour moi, mon jeu préféré où j'ai eu le plus de fun, c'était Zombies Ate My Neighbors. Donc c'est un jeu banal peut-être pour Oui, tu m'en as certains, parlé la dernière qui fois, oui. parle pas beaucoup aux gens peut-être, mais ceux qui y ont joué, bah ils ont dû délirer dessus. Mais un truc, voilà, c'est un jeu, tu le prends, tu prends la manette, tu joues une demi-heure, une heure, tu t'éclates. T'as le choix entre un petit garçon ou une petite fille. Donc le but du jeu, c'est de sauver tes voisins avant qu'ils se fassent bouffer par un zombie. Donc t'as les petits labyrinthes dans chaque niveau. Il y a 55 niveaux et tu te déplaces à fond pour les sauver. Et puis chaque niveau, c'est un thème de film d'horreur soit de George Romero, soit c'est Massacre à la tronçonneuse, soit c'est les vampires, les momies, la poupée de Chucky aussi. Tu as, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les monstres des marais, il y a enfin, toutes les légendes et les mythes des films des séries B des années 60 jusqu'à Massacre à la 2020. tronçonneuse aussi, je vois Ouais, là, je j'ai dit, dirais. ouais. Ouais. Ah, pardon. Les zombies, bien sûr, aussi, voilà. Mais c'est génial, quoi. Tu t'amuses et t'as des boss de fin à chaque. Je crois que c'est tous les 3 ou 4 niveaux, ou les 5 niveaux, t'as un boss de fin qui se termine. T'as aussi l'invasion des extraterrestres mangeurs de cerveau. Alors, c'est-à-dire, t'as des footballeurs qui ont été zombifiés par des aliens, donc qui courent dans tous les sens sur le terrain de foot américain, et tu dois les buter pour aller sauver les gens qui sont spectateurs du match, etc. Enfin, c'est vu de haut, c'est en deux dimensions, franchement, graphiquement, ça a aucune prétention. Ça pourrait sortir aujourd'hui sur un, je sais pas moi, ouais, bon, un téléphone portable, ça marcherait, je pense. Mais comme toutes les ROM 16 bits. Mais c'est un jeu, tu t'éclates, tu t'amuses, tu peux jouer à deux. Enfin, franchement, c'est. Moi, t'as aussi des supermarchés où t'as des gens qui font leurs courses et qui sont en mode zombie, qui vont dans tous les rayons à fond, qui essayent de tronçonner les clients, etc. Enfin, c'est un jeu gore sans être gore. Alors, je crois que sur Super NES, il n'y a pas de sang, sur Mega Drive, il y en a, mais je suis pas sûr dans mes souvenirs. Faudrait que je revérifie ça. Mais voilà, c'est du fun à l'état pur. Et dans tous les jeux auxquels j'ai joué, bah, il y a Street of Rage, il y a celui-là, il y a les Sonic aussi, mais niveau fun, c'est incomparable pour moi. Je pourrais y rejouer n'importe quand. Bah, si voilà, si j'ai un jeu à sauver, peut-être, voilà, comme on a dit, bah, je prends celui-là parce que je sais que voilà, c'est une valeur sûre. Bon, j'espère J'ai que le. l'impression que sur la version NES, la version Super NES, elle est nettement plus jolie que la version Mega Drive, j'ai l'impression. Ouais, il y a une petite différence au niveau du lifting, comme j'avais dit pour à guide pour la verse les le Roi Lion, etc. C'est-à-dire que tu vois moins les pixels. Et par contre, la Mega Drive était très forte au niveau des basses pour les musiques que la Super NES n'avait pas. C'était plus mélodieux, symphonique sur une Super NES. Et autant pour Moonwalker et autant pour voilà ce jeu de zombies avec des musiques à forte basse qui te mettent un peu le rythme du cœur pour te faire un peu comment dire, pour qu'il y ait du suspense dans tes phases d'action, alors que finalement ce qui se passe à l'écran c'est assez basique, assez banal, mais on te met une musique de film d'horreur avec plein de basses et avec des, comment dire, des moments de des jump jump scare qui font aujourd'hui, et c'est super sympa quoi. La musique colle à l'ambiance, c'est hyper réussi. Le jeu il est propre, hein, voilà, c'est un peu comme un Empire contre-attaque. Le jeu est bien terminé, il est peaufiné, et c'est du LucasArts, si tu veux, dans les coulisses au niveau du développement aussi avec Konami. Donc tu le sens, hein, et c'est un jeu qui est sorti en 93. 93 c'était une super année pour Mega Drive et Super NES. Pour moi c'était Ah bah, de toute l'apogée. façon, les années 90 étaient excellentes hein, pour le jeu vidéo. On a eu un florilège. Après, on est passé en 32 bits, toujours plus de bits, mais c'est vrai que c'était un florilège de très très bons jeux. Il y avait plein de licences en plus d'univers connus et tout, et ça parlait à tout le monde. Il y avait moyen de s'amuser avec n'importe quelle console. On en prenait plein les yeux. Après, forcément, on était soit plus Sega, soit plus Nintendo, pour citer que, parce que c'était eux les plus cités en général. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de naître en 92, donc quand j'ai commencé un peu à vieillir, si on peut dire, je suis tombé très vite dans le jeu vidéo, et c'est là où je me suis le plus amusé, même si encore aujourd'hui je m'amuse dans le jeu vidéo, mais c'est, voilà, on est tomber dans quelque chose de très différent. C'est pour ça que la jeune génération qui joue aujourd'hui, vous vous rendez pas vraiment compte de ce que c'était le jeu vidéo et la philosophie du jeu vidéo. On ne cherchait pas forcément à créer un jeu spécialement pour faire du chiffre. On créait un jeu parce qu'on était passionné par la création, par le développement d'un jeu, et on essayait de vendre un jeu, même si c'était pas toujours facile, même si c'était pas toujours parfait, ce qui est aujourd'hui de perdu de plus en plus, malheureusement, pour faire le chiffre, hein, on est d'accord. Donc voilà. Et puis voilà, pour revenir au jeu, c'est un jeu qui est dans le thème un peu, on va dire, bande dessinée, cartoon, graphiquement. Et il y a une petite map qui vous aide en haut de l'écran avec des petits points lumineux, un peu comme dans les films Alien, où vous savez, l'alien est repéré par un point. Et ça représente les futures victimes des zombies ou des Jason, etc. Donc vous pouvez récupérer des petites armes par-ci par-là, genre des débroussailleurs. Des tronçonneuses, des lanceurs d'esquimaux aussi qui tuent les zombies apparemment. Enfin, c'est hyper décalé comme jeu. On peut se transformer aussi en loup-garou. Alors voilà, c'est pas Sonic, hein, mais c'est on sûr. Peut se transformer en monstre qui défonce les murs pour aller plus vite entre les décors, pour pas faire tout le tour et récupérer les petites clés qui vont vous permettre d'ouvrir les portes à chaque fois. C'est génial, quoi. C'est un jeu vraiment. Et ben là, je suis par exemple sur le site jeuxvideo.com, et dans les commentaires des testeurs et des joueurs, en général, les joueurs font la contradiction de ce que le test a affiché. Bien sûr. Là, il y a un bon 17 sur 20, il y a presque un 18 pour les lecteurs. Et c'est un jeu qui a été bien reçu par la critique en général, même si à l'époque il a souffert de la sortie des autres grands jeux qui sortaient en Noël 93. Il y avait énormément de licences très très fortes en 93, donc il y avait un Mario All-Star, je crois, aussi. Donc c'était très compliqué pour se faire sa place. Et puis voilà, quoi. C'est dingue, c'est qu'il y a plusieurs jaquettes de jeux, en fait. Ouais. T'as la plus courante où c'est... Enfin, tu vois même pas, tu sais, les deux héros du jeu. T'as une femme qui a peur, et derrière t'as des zombies qui sont en train de marcher. Tout ça dans un espèce de dans un fond jaune avec un espèce de tourbillon rouge, en fait. Et t'as d'autres versions avec là cette fois vraiment le garçon qui est bien dessiné. Hein, franchement, c'est super bien dessiné, qui est en train de tirer avec un espèce de pistolet à eau sur voilà. Celle-là, elle est bien. Et t'as une autre version alternative où là, c'est encore... Enfin, là, c'est vraiment un dessin. T'as l'impression que c'est un fan art, en fait, où t'as le garçon et la fille qui sont sur une voiture. Elles sont sur une voiture. Et puis t'as une pom-pom girl, un cuistot, un militaire. Et tout autour, t'as tous les méchants du jeu, en fait. Ouais, c'était des pubs qui avaient été utilisées à l'époque dans les magazines... console plus, etc., qui est en page, tu sais. En mais super, hein, franchement, là, le dernier que je te décris, là, quand ils sont sur la voiture, ils sont super bien dessinés, c'est très, très réussi, quoi. Là, les pop-up girls, c'est les femmes que tu sauves au match, justement, au niveau avec les footballeurs américains qui ont été zombifiés par les aliens, là, et c'est génial, quoi. C'est un jeu à tester, ça, tu vois. Ah, mais c'est du fun, mais je pense que quand tu commences un niveau, t'as envie de faire l'autre parce que bien sûr. La difficulté est graduelle, c'est-à-dire que les premiers niveaux, c'est simple, il n'y a pas d'agressivité, si tu veux. Mais dès que t'arrives à un moment donné où y a plusieurs ennemis dans le niveau et le niveau est immense pour sauver tout le monde, t'as intérêt à te dépêcher parce que le temps défile vite et tout le monde se fait bouffer, donc... Et je peux te dire que 55 niveaux, bah, t'en as pour ton argent, quoi. C'est des jeux qui duraient 2h30 à terminer, en longueur, si tu le faisais d'affilée, quoi. Ouais. Et pour un jeu de l'époque, bah, 2h30 sur une cartouche, c'était appréciable. Et c'est surtout sûr. Un jeu pas forcément connu en plus, parce que ça parle pas, enfin moi qui suis quand même Konami, tu vois, c'est un jeu que je connais pas, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il a l'air, enfin là, dit comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a l'air très très fun, et il y a moyen de vraiment passer un très très bon moment, quoi. Ça, tu peux faire des lives dessus avec un pote, tu te mets à deux sur la manette, je pense que les gens ils vont regarder et puis ils vont rester scotchés, et c'est quoi ce truc là, c'est un ovni en fait. C'est clair. C'est un peu comme, tu sais, vous savez, quand vous regardez les chaînes Greenly Memories et puis les Joueurs du Grenier, ils vous font découvrir des jeux auxquels vous n'avez pas pensé, regarder plus loin que la jaquette, en fait. En c'est disant, ça. Ouais, bah, ça a l'air bizarre, mais. Parce qu'à l'époque, on se fiait beaucoup aux jaquettes, comme on disait avec Nico. Et parfois, tu vas pas plus loin que la jaquette et il faut essayer quand même. Mais des fois, tant mieux. Parce Ouais, tant que mieux, parce au début, ce que que. testait le joueur du grenier, c'était vraiment des bouses des fois, hein, franchement. Ouais, mais parce que c'était des jeux assez réputés pour être mauvais, donc forcément il Voilà, fallait c'est ça. commencer par les plus mauvais pour essayer d'en. Mais c'est normal, mais c'est vrai que aujourd'hui on voit un peu plus de jeux qui parlent un peu plus à tout le monde, qui on a croisé, ou des fois parfois des jeux au contraire pas très connus, mais c'est vrai que bah, les jeux pas très connus, parfois c'est vraiment la jaquette qui bah, ça donnait pas envie. C'est de toute façon c'est la première chose que tu vois, que ce soit sur un site ou dans un magasin, c'est la jaquette. Et la jaquette, si elle te saute pas à l'œil, bah tu vas faire mais je m'en fous. Et c'est vrai qu'à une époque, les jaquettes, quand même, elles étaient vraiment très bien travaillées, que ce soit sur des boîtes en carton comme celle de Nintendo, hein, on connaît tous ces boîtes merdiques, ou sur des jaquettes en plastique, bah, franchement, le visuel, ça donnait envie. Puis derrière, tu retournais cette jaquette et tu voyais les petites images, tu disais, ouh, je vais passer un bon moment. Et au final, quand tu lançais le jeu, tu passais un C'était de très la mauvais merde. moment! C'est ça. Mais voilà, c'est normal, c'est les plaisirs coupables quand tu vas en magasin, hein, c'est ce genre de sensation, hein. Mais finalement, sur les bouses, on avait compris à une époque qu'ils mettaient souvent les photos des menus, tu sais. Avec des Ou grosses alors, cinématiques figées comme ça. Et on se ah, faisait c'est vrai tous que. avoir. Hein. Bah après, à l'époque, il y avait tellement de jeux, il y avait tellement de bouses, quoi. Il y avait tellement de clones aussi. C'est ça aussi qui était affreux. Il y avait tellement de jeux clonés. Et tu disais, je vais jouer à un nouveau jeu. Mais non, en fait, c'est le même jeu que l'autre, mais en plus mauvais, quoi. C'était incroyable. Mais bon, tu t'amusais quand même parce que bon, c'était les premiers jeux, c'était les débuts, tu pardonnais quelque part. Puis en plus, tu avais toujours un pote qui t'invitait ou tu l'invitais chez toi et tu t'amusais. C'est incroyable. Aujourd'hui, bon, bah, c'est avec Internet. Ah, Internet, putain. Tu t'invites plus ton pote chez toi. Bah non, tu joues avec lui en ligne. C'est ça. C'est dommage, hein, C'est ça, c'est. c'est le gros souci. Et moi, c'est vraiment mes coups de cœur, les 5 coups de cœur que j'ai eus. Mis à part, je te dis, Yoku, peut-être Moonwalker. Tout le reste, c'est vraiment des bons moments passés avec des copains, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui faisait le charme des consoles à l'époque. Voilà, comme tu dis, il y avait pas de, tu te connectais pas en ligne, t'avais vraiment physiquement ton pote à côté de C'est toi, ça. quoi. Ah putain, ça c'est des grands Et moments. je pense que maintenant, malheureusement, il y en a beaucoup qui connaîtront pas ce truc-là. Maintenant, t'as des potes tu peux jouer avec un mec qui habite en Nouvelle-Zélande, voilà, tu dis c'est ton pote, mais il est Ouais, pas mais tu le verras physiquement à jamais. côté de toi et tu le verras jamais. Tu C'est passes à pas côté de lui, pareil. toi, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est Ah putain, exactement ça ça. aussi, c'était les bons moments, hein, débrancher la manette, mettre un grand coup de boule, enculé, tu Genre les gagnes, ouais, track c'est. and field, des trucs comme ça, là, Ah putain, essayer mais ouais. de. Ouais. Putain, Non, mais ça voilà, enfin, c'est vraiment dommage maintenant de plus reconnaître bah, beaucoup de nous ne connaîtront pas ce que nous on a connu dans les années 90, quoi, voire 2000, début 2000, quoi. Ah oui, bah dès que le Bah monde oui. d'Internet a commencé Voilà. à arriver, c'est vrai que là, les jeux ont pris une autre, on va dire, une autre vision. On peut pas leur en vouloir, ils ont suivi ce qui est Ouais, bien marché, sûr. et voilà. Et de toute façon, Internet devait arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, t'as pas enfin, tu peux être sociable, mais c'est vrai que le côté inviter ton pote juste pour faire une game, t'y penses pas, parce que tu sais que tu vas te connecter, il sera connecté, Moi, je le et fais tu t'en fous. toujours. Je le fais toujours Et ouais, mais avec parce que mon pote. Voilà, parce t'es habitué, t'es un vieux de la vieille, quoi. on a connu ça, et c'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un vraiment à côté de toi pour jouer, quoi. Bah ouais, clairement, tu peux déconner, boire un petit Voilà. coup, c'est au-delà de juste se voir, enfin de C'est voir ça. un écran et de parler à un mec dans son micro comme on est en train de faire là finalement, mais Voilà. bon voilà, là c'est comme ça, mais voilà, c'est l'époque, mais pour terminer avec Konami quand même, parce que bon, je leur crache dessus, mais ils ont sorti quand même des bons jeux, et un autre jeu qui n'est pas forcément connu, mais alors là c'est l'ère PlayStation 2, mais j'invite à tester, c'est Ring of Red. Un jeu, alors je crois, première ou seconde guerre mondiale, où on va piloter des mechas, un jeu de stratégie où on va envoyer des bataillons affronter d'autres bataillons pendant que les deux mechas s'affrontent sur la gueule. Il y a un côté stratégie, et franchement, c'est un très très bon jeu, et qui malheureusement, là encore une fois, fait partie des licences totalement disparues, puisque Konami, bah, lui a roulé dessus. N'existe plus. Ouais. C'est dommage. Mais C'est voilà, je voulais en parler. dommage, ouais. Mais j'aurais pu mettre aussi un Castlevania, mais Castlevania, ouais. moi bien sûr. je vais être franc dans mon top. Voilà, c'est des jeux auxquels j'ai joué. J'ai pas pris des jeux que les gens auxquels ont tous joué, quoi, et que moi j'ai pas fait. J'aurais pu tricher en mettant un Castlevania parce que ça parle à tout le monde, mais je vais pas mentir, Castlevania, j'y ai jamais joué quand j'avais une Super NES. Pour moi, c'est un jeu qui m'attirait pas à la base, parce que pour moi, je trouvais ça trop long, et puis. Je trouvais ça bizarre de taper dans des chandeliers pour aller tuer un mec plus tard, enfin Non bref. mais moi perso c'est la boîte, hein. Juste la boîte, regardez, enfin la boîte Super Nintendo, bon elle envoie un peu, mais franchement quand je voyais ça je me disais ouais Donkey Kong, regarde, il y a des bananes, il y a deux singes, il y a rhinocéros. Ah, ben ça me plaît, c'est con, ça, mais. C'est génial, ça. Ouais. Voilà, quand t'es un enfant, tu te dis, bah, c'est génial. Alors que bon, l'autre avec son chandelier, ouais, qu'est-ce que je vais aller faire allumer des bougies? Non, merci, quoi. Alors que j'aurais retourné la boîte, je me serais dit, ah, putain, ça a l'air sympa. Mais bon, c'est toujours le même principe, hein. Ça dépend de l'âge qu'on avait ou des parents aussi. Parce que parfois, pour ma part, beaucoup de jeux que j'ai eu, c'est mes parents qui les achetaient, forcément. Puisque c'est eux qui avaient le budget et eux qui allaient dans les magasins. Et donc, des fois, ils me ramenaient des jeux. Moi, j'étais là, qu'est-ce que c'est cette merde? Je me rappelle, j'avais joué à un jeu, c'était un kangourou qui avait des gants de boxe. Je ne sais plus ce que c'est ce jeu, mais j'ai joué à ça. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Alors, je sais pas si c'est pas sur Mega Drive, je veux pas dire le connerie, mais c'est un jeu, ouais, franchement, c'est un jeu d'aventure en scrolling horizontal, je crois. Et ouais, tu pilote, enfin pilote, si on peut dire un kangourou, il a deux gants de boxe et t'avances et tu tapes, mais je sais pas. Voilà, Chaos the Kangourou. Peut-être. Je veux pas dire quand même, je suis pas certain, mais c'est un vieux jeu en tout cas. Et voilà, donc je veux dire, moi, demain, tu me mènes dans un magasin, je joue un jeu avec un kangourou et des gants de boxe, je vais regarder, je vais faire oula, hein. Mais pourtant, parfois, ça cache des petites surprises. Et c'est pour ça que, comme tu dis, tu t'as proposé des jeux que tu as fait. On aurait pu tricher, tous dire des jeux bien très sûr connus, mais le but de cette émission aussi, c'est de faire partager des jeux, mais nos ressentis sur le moment même avec le jeu au moment où on l'a eu. Et c'est pour ça qu'on a fait ce classement. On aurait pu tellement faire tous les jeux. Enfin, y en a plein d'autres que j'ai fait. Sur Mega Drive, t'avais le mec qui pétait et rotait aussi pour tous ses ennemis. Comment je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc? Il était en vert. Boogerman. Ouais, voilà. Ça m'avait marqué aussi, mais bon, j'ai dit, je vais pas le mettre dans le truc là parce que j'y ai pas assez joué pour. Voilà, des fois tu dis allez tiens je vais essayer de faire original mais quelque chose que personne, pas beaucoup grand monde ont joué. Mais voilà, t'as envie de te rappeler les bons moments. Et pour moi voilà, j'aurais pu avoir une alternative pour Street of Rage, mais non, j'avais envie de rester sur non mais t'as sur pas ça renié pour mon premier, c'est voilà beau, c'est tout, hein. Voilà, c'est beau. Alors que moi j'ai renié sur Sonic, j'ai bravo renié sur des... ouais, moi j'ai dit pas grave, va mourir Sonic, t'es déjà mort, je peux un peu plus te marcher dessus, je vais proposer autre chose. Non mais voilà, enfin, merci les gars, hein, d'avoir participé à cette émission. Bah, de rien. Plaisir. Je pense qu'on se retrouvera assez vite, hein, pour un nouveau thème. Voilà, merci les gars, et puis salut à tous. Bonne semaine. Salut à tous. Bonne soirée. Salut.